Good morning. It's December 13, 2022, and it's a Tuesday. Here in LA, a sunny morning, a gentle breeze blowing, 43 degrees Fahrenheit. It's around 6 Celsius. Angelo Badalamenti. This afternoon, it'll be going up to 59 degrees Fahrenheit. That's around 15 Celsius. And it looks like we're going to be enjoying beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. Everyone, have a great day. Oui, pardon Nicolas, c'est ces silences qui sont toujours un peu terribles pour un réalisateur. Donc en entrée de ce bulle de rêve, un hommage à Angelo Badalamenti qui nous a quitté cette semaine, 6 mois après Julie Cruz. C'est la deuxième personne importante, on va dire, de toute l'ambiance sonore de Twin Peaks qui nous quitte. Il a fait d'autres choses, mais évidemment ce travail qu'il a fait, je voulais mettre un autre morceau que celui-ci qu'on a entendu, qui est Dance of the Dream Man, qui est notamment le morceau où on découvre Laura Palmer sur la plage Wrapped in Plastic, si vous vous souvenez de début, pour les plus anciens, vous en souvenez peut-être, à l'époque il y avait très peu de vidéos sous-titrées, une VHS venait d'arriver qui s'appelait Mais qui a tué Laura Palmer, et en fait c'était le pilote plus ou moins une heure et demie remonté avec une nouvelle fin de la sublime série Twin Peaks de David Lynch avec cette musique. J'avoue que je ne connaissais pas Angelo Badalamenti avant Twin Peaks, et ça a été un choc de l'entendre. Donc il nous a quittés cette semaine, et je vous dis donc 6 mois après Julie Cruz, et juste après vous entendiez David Lynch, donc le réalisateur bien sûr de Twin Peaks, avec qui non seulement il a travaillé pour Twin Peaks, mais pour d'autres de ses films, et aussi sur des albums, qui annonçait David Lynch à tous les jours sur sa chaîne YouTube un bulletin météo. Ou à l'intérieur de son bulletin météo, il dit des choses, et c'est très émouvant de le voir, et il dit juste cette espèce de cri où il dit le nom Angelo Badalamenti, et en effet, qui est compréhensible, il a ses quasiment 10 à 15 secondes de silence comme ça, qui veulent dire beaucoup, et une voix très très émue juste après, et donc c'est un très très bon moment aussi, comment rendre un bel hommage sans finalement dire grand chose et en disant juste le nom. Et c'était, voilà, je voulais aussi, pour gens qui ne connaissaient pas, vous en faire profiter. Je vais pas vous raconter ma vie, mais j'étais malade en début de semaine, et je pense que j'aurais détesté louper cette émission. Je pense que je suis pas le seul. Je pense que on est ravis, on est contents. C'est un peu notre Noël à nous aussi, de recevoir deux personnes qu'on aime beaucoup ici, et puis deux que vous aimez beaucoup, je le sais. Et je dis pas ça par flagornerie, on le sait, puisque une non-amante de ces personnes a été l'un des piliers du bulle de rêve pendant des années. Je ne remercierai jamais assez d'avoir été là à un moment donné. C'est jamais facile, Nicolas le sait, on le sait tous, c'est jamais facile des fois de faire les émissions comme ça, et donc merci beaucoup. Donc Florentine Grelier, bonjour Florentine. Oui, bonjour à tous. Voilà, on en profite pour dire un petit coucou à Fabien, qui à chaque fois me disait, donc est notre auditeur vraiment, voilà, qui est là tout le temps, et qui grâce à Bulle de Rêve écoute maintenant Radio Libertaire, et qui me dit c'est quand qu'elle revient. Coucou Fabien. Voilà, elle est de retour. Et donc dans nos bureaux, n'importe quoi. C'est la fatigue qui continue. Et l'autre personne ne fait pas vraiment partie de Bulle de Rêve, mais à la fois vous l'avez tellement entendu, je pense, que par Nicolas Tiss. Avant, hein, évidemment, d'avoir que Bulle de Rêve soit maintenant une équipe, vous l'avez entendu tout le temps. Régulièrement, ça serait mieux que tout le temps, parce que tout le temps ça fait un peu. C'est Francis Gavel, bonjour Francis. Bonsoir à tous et toutes. Alors, on reçoit Francis Gavel et Florentine Grelier, car ils ont réalisé un film ensemble, Les Petits Pois, et donc on va en parler. On les a pas juste pour le plaisir de les avoir, même si ça nous fait déjà plaisir, mais il y a derrière aussi, évidemment, tout un travail, tout un sujet qu'on va développer. Et à côté de moi, Marie-Pauline Mollaret. Bonjour Marie-Pauline. Bonjour Alexis, bonjour tout le monde. Et Antoine Bieber, bonjour Antoine. Bonjour Alexis, bonjour tout le monde. Voilà. Et toujours Nicolas, bien sûr. Merci Nicolas, qui est derrière la console. On voulait commencer alors avec le disque du mois. Et avec, après le disque du mois, on va parler de quelques petites news ou des choses qui nous intéressent. On va ensuite parler de Francis et de Florentine et des petits pois. Et ensuite, nous parlerons en fin d'émission de peut-être des choses que chacun et chacune d'entre nous, on a aimé pas top. Juste, voilà ce qu'on a peut-être aimé en 2022, les quelques films qui nous paraissent importants. Et pourquoi pas ce qui nous paraît d'être important en 2023. Rien encore une fois de... c'est pas top, c'est rien du tout, c'est juste ce qui nous est passé par la tête. C'est quasiment pas préparé, je l'ai demandé hier soir, donc de toute façon, voilà, il n'y avait pas eu forcément le temps de préparer. Le disque du mois nous est présenté ce mois-ci par, bien sûr, Marie-Pauline Mollaret. Marie-Pauline, qui visiblement, d'après ce qu'elle nous a dit, hors micro, parce qu'on dit tout, vous le savez bien, serait la seule à écouter des nouveautés, que nous n'écouterons aucune nouveauté. Donc Marie-Pauline, pour cette nouveauté, tu nous en proposeras une autre d'ailleurs un petit peu plus tard. Donc déjà cette première qui est donc Pollyanna. Oui, merci Alexis de déformer mes propos. Donc oui, aujourd'hui on va parler de Pollyanna, qui est une chanteuse française qui a eu déjà deux albums sortis dans les années 2010 et qui là vient de sortir un nouvel EP qui s'appelle Man Time en novembre. Donc il y a six titres, dont celui qui donne son nom à l'album et qu'on va écouter, Man Time. Voilà, c'est une mélodie entêtante, servie par la voix très chaude de la chanteuse, une voix qui accroche un peu comme ça, qui est assez intrigante. C'est du folk rock élégant mais assez hypnotique, n'est-ce pas? Et moi ce que je vous conseille, c'est, si ça vous plaît, c'est d'aller écouter une autre chanson de cette EP qui a un vrai potentiel tubesque et qui s'appelle Diamond Ring. Voilà, là où sa voix se fait un peu plus caressante que dans le morceau qu'on va écouter. Et c'est aussi très très beau. Pollyanna sera en concert, figurez-vous, à Paris le 12 janvier sur la péniche Antipode. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à réserver. Too late for us. Always too late to je crois que c'est la première fois, là, ça va être terrible les moments de chanson parce qu'on parle beaucoup, comme en plus on se connaît, donc ça c'est terrible. Pollyanna, Mantime, en effet, avec une très très jolie voix. Moi aussi, je ne savais pas du tout qu'elle était française, donc à découvrir. Donc le 12 janvier, en concert à Paris, en espérant peut-être ailleurs. Tu disais qu'elle était peut-être dans le nord de la France, donc elle peut-être qu'elle fait. Nord, oui. Donc elle fait peut-être un petit peu de tournée. Juste. Allez, pour lancer les news, on va écouter le petit morceau qui fait 1 minute 09 juste après, et on en parlera juste après. J'adore, je crois que c'est mon moment préféré, c'est quand vous ne pouvez pas l'entendre, donc je vais dire quand Nicolas fait antenne. J'adore, là je sais que je suis dans une émission vraiment, voilà, radio, direct et tout, c'est super. J'adore ce moment-là, je pense que j'ai déjà dit, mais j'adore. On vient d'entendre un morceau de la bande originale d'Inuo, l'auteur en est Otomo Yoshihide, le réalisateur, on est bien sûr Yuasa Masaaki, enfin bien sûr, pardon, pas très prétentieux, j'aurais pu le passer à la fin. Dans les coups de cœur, dans les choses comme cette année, mais le film est encore en salle. C'était pour vous dire, encore une fois, on vous le dit à chaque fois, on vous le dit, d'aller voir. C'est un peu triste, mais souvent, il y a tellement d'avant-premières que les gens de l'animation, évidemment, se précipitent. Je ne sais pas si c'est le cas, mais on affaiblit, à mon avis, les gens qui pourraient le voir le premier. Vous savez, évidemment, autour de cette table, ce que c'est. C'est-à-dire, c'est souvent aussi dès le premier jour qu'on sait si un film va marcher, va pas marcher, etc. Et c'est vrai que s'il n'y a pas au moins l'appel avec les gens qui sont les gens de l'animation, c'est un peu triste. Je sais qu'un film qu'on adore ici, même si une autre émission l'aime moins. Mais nous, on l'aime beaucoup. Donc, Villeneuve, Archipel, excusez-moi, ça m'a tellement troublé. J'en ai dit une bêtise. Archipel de Félix Dufour-Lapeyrière. Et je ne sais même pas s'il est encore au Saint-André-des-Arts. Alors, il y avait une séance ce matin, 11h45. Ouais, je ne sais pas quand elle approche. Et mercredi, Il y en aura a priori plus sur Paris, en tout cas pour l'instant programmé. Et par contre, il est en train de commencer une tournée en France. Mais effectivement, si vous voyez une séance, ce sera a priori plutôt des séances uniques. En tout cas, donc, c'est ce que disait la distributrice. Ouais, donc c'est très triste, c'est très dur, mais foncez, allez voir les films. Même si, alors, je sais ce que je vais dire, on est au début peut-être de quelque chose de nouveau, même ça peut paraître fou par rapport au long métrage. Allez voir, sort le 28 décembre, je pense qu'il y a une volonté de travailler un peu par rapport à Noël et de faire un truc un peu barré. Il y a Unicorn Wars d'Alberto Vasquez. Si ça peut vous donner l'occasion de revoir Psychonautas, qui est, je pense, pour moi en tout cas, son chef-d'œuvre par rapport à Unicorn Wars, c'est très bien, mais ça reste. Il y a des moments qui sont étonnants, une espèce de full metal jacket, Apocalypse Now. Moi, je trouve que c'est encore plus full metal jacket sur comment la guerre peut détruire aussi les gens. Il y a des moments qui sont assez forts quand même, quand on dépasse le côté, en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'on dépasse juste le côté licorne contre ours en plus, une bataille entre ours en plus et licorne. Mais je trouve qu'il y a des moments donnés à l'intérieur du camp, des choses comme ça, quand on va, où on voit cette espèce de personnage se détruire, une espèce de prêtre voilà, alcoolique et qui fait. Donc, ça fait toujours plaisir de voir des prêtres alcooliques, c'est un peu la vérité, mais bon, c'est bien de les montrer. Et tout donc c'est un film qui est vraiment intéressant, en tout cas je trouve, et qui montre aussi un personnage qui tente des nouvelles choses à chaque fois. Je suis pas fan de tout Alberto Vasquez, c'était au carrefour de l'animation, il était passionnant. Son prochain long métrage, je l'annonce pour les gens qui n'auraient pas été là, enfin il a annoncé plus ou moins, j'avais pas, il a fait donc Bird Boy en Psychonautas, il a fait Unicorn Blood en Unicorn Wars, et donc son prochain c'est Decorado, le fameux Decorado qui va faire un long métrage. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est un peu tout l'un pour tout l'autre. Pour les gens qui l'ont vu, c'est Moi, ça marche plutôt pas mal en court métrage, donc on va voir ce que ça va donner et est-ce qu'il va développer Homeless Home par la suite, qui est son oui. dernier. visiblement, oui. Alors, découvrons en tout cas Alberto Vasquez, Homeless Home, nous prouve qu'entre Bieber et. Peut-être très dépressif, parce que c'est quand même, je pense, son film le plus dur et le plus sombre. Donc, voir long métrage uniquement de Homeless Home sans humour, ça peut être dur. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, je sais que Antoine, tu es notamment un grand fan d'Alberto Vasquez. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Je vous ai un peu dit dans les news, dans les choses. Marie-Pauline? Oui, moi, je voulais parler d'un film brésilien qui est sorti mercredi, qui s'appelle Despedida, par Luciana Mazzetto et Vinicius Lopez. Et c'est un long métrage plutôt de prise de vue continue, mais avec quelques séquences en animation, qui raconte l'histoire d'une pré-ado qui a à peu près une dizaine d'années, dont la grand-mère vient de décéder, et elle est dans la maison avec sa famille, et en fait elle voit sa grand-mère morte la nuit par la fenêtre, qui lui fait signe, et elle la suit dans la forêt qui est à côté de la maison, qui est la forêt qui est une sorte de porte vers un monde magique, fantastique, mystérieux. Voilà, donc c'est un film assez étrange. Dans les influences revendiquées, alors il y a Miyazaki, c'est pas forcément moi ce qui m'a le plus sauté aux yeux, mais en tout cas, oui, Alice au Pays des Merveilles, très très clairement, Max et les Maxi-Monstres. Et donc c'est assez étrange, c'est un film qui assume sa théâtralité vraiment à la fois dans les dialogues, dans les images qui sont très très fortes. Il y a un truc vraiment, une mise en scène qui est très très imposante. Et alors les passages en animation sont assez étonnants. Il y a une séquence en 2D qui ouvre le film qui est assez jolie, assez chouette. Après il y a des passages en volume qui sont qui assume une sorte d'économie de moyens et de trucs. Ça donne quelque chose de très très étrange. Il y a des poupées à un moment comme ça qui sont assez flippantes, du coup, j'ai trouvé. Enfin voilà, il y a l'expression assez naïve d'une certaine étrangeté. Je trouvais que ça marchait pas si mal. Le film est vraiment sur cette frontière entre la réalité, le fantastique, un peu le travail de deuil, de réconciliation avec son passé, etc. Et c'est une curiosité. C'est un film qui bénéficie pas d'une énorme sortie. Donc j'avais envie d'en dire un petit mot. Pardon, tu redis le titre comme ça. Despedida. Despedida. Est-ce que autour de la table, Antoine, toi tu avais, oui? Oui, moi je voulais vous signaler, alors c'est un brin de l'autopromotion, mais je m'y lance quand même. Actuellement au cinéma, il y a un film qui s'appelle La Très Grande Évasion de Yannick Kergoat, qui avait déjà réalisé Les Nouveaux Chiens de Garde, et qui est un film qui traite cette fois de l'évasion fiscale, avec des séquences en animation dedans. Mais alors, outre ces séquences en animation, moi je pense que c'est, enfin je vous conseille d'aller voir le film. C'est un film qui, voilà, fait un peu l'état des lieux de où on en est actuellement, notamment en France, vis-à-vis de cette question. Et c'est un film qui nous force à voir un phénomène que souvent on a tendance à minimiser et qui donne à voir l'ampleur des conséquences que ça a, l'évasion fiscale, en termes de casse du service public, à côté de, voilà, les conséquences que ça a sur l'appauvrissement de l'État. Juste parce qu'on le sait, l'animation donc, a été faite par toi en partie, non, par toute une équipe. Alors, par le graphisme est de toi ou non? Non, c'est le graphisme, c'est Joris Clarté. Donc la réalisation des animations, c'est Joris Clarté. Ça a été D'accord. réalisé à, donc voilà, avec une équipe dont okay. je fais partie. Et autre chose, il y a la saison 2 de L'Amour à ses réseaux, une série qui met en image des témoignages de date Tinder. Enfin, la saison 2 est intéressante parce que justement, ils ont ouvert à d'autres réseaux, et notamment en interviewant des gens plus âgés que dans la saison 1. Et voilà, c'est une série dont la saison 1 était déjà très intéressante, qui ben, parle un peu de ces nouvelles rencontres amoureuses, et qui a une mise en scène qui est assez intelligente. Donc, c'est réalisé par Cécile Rousset et Romain Blantailleur. Ce qui est intéressant, c'est que même si des fois les histoires, enfin, en soi, tous ces réseaux ne vous intéressent pas ou quoi, c'est presque des fois des petites histoires, presque des fois rien, des trucs un peu policiers, enfin c'est plutôt bien oui. mis en scène, ce qui fait que des fois on suit des choses, qu'est-ce qui va se passer à la Puis fin, il y a des choses drôles, il y a des choses, ouais, il voilà, y a des épisodes qui sont très plus touchants, enfin voilà, ouais, et je trouve que là sur la deuxième saison, il y a eu justement l'idée d'aller chercher d'autres types de profils, ouais. parce que c'est vrai que c'était un peu les mêmes âges et les mêmes catégories socio-culturelles, on va dire, sur la première saison. Francis? Tu voulais nous parler d'un film ? Non, moi je voulais juste, finalement, mais, parce qu'on l'a un petit peu évoqué à travers un autre film, mais rebondir sur La Très Grande Évasion de Yannick Kerguat, et notamment parce que je trouve la fin absolument extraordinaire. On en avait parlé pour faire un écho à Il nous reste la colère, le film sur les salariés de Blanquefort, Ford, de l'usine Ford à Blanquefort, et donc là où Philippe Poutou est monté en connaissance et en notoriété dans le cadre de la lutte qui a été menée. Et il y avait une chose qui était intéressante, c'est de se dire que dans Il nous reste la colère, on voit qu'aujourd'hui, finalement, il y a peut-être l'ère de la négociation est terminée. On a cette impression. Et il y a une chose incroyable à la fin du film de Kerguat, c'est qu'à plusieurs fois, on retrouve Alain Desnos, qui est donc sociologue et philosophe, et à la fin, il explique un truc, d'un seul coup, et c'est la fin du film, et tu dis, il y a tout là. Il dit, en fait, aujourd'hui, c'est simple. Il y a un gouvernement, et le gouvernement, il est là pour organiser la vie des classes moyennes, des PME et des artisans. Donc, il y a un gouvernement pour ces gens-là. Et au-dessus du gouvernement, il y a les ultra-riches. Et eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent pour deux raisons. D'abord parce que les gouvernements en place sont des gens qui viennent de leur réseau, qui ont soit travaillé dans leurs entreprises, leurs institutions, soit qui ont été formés chez eux, et donc qui n'ont rien à leur dire puisque c'est eux qui les ont nommés et mis en place. Et donc, ils sont au-dessus, ils font ce qu'ils veulent, et donc le gouvernement n'a finalement qu'une seule fonction par rapport à eux, quelque part, c'est de les protéger à travers ses fonctions régaliennes que sont la justice, l'armée et la police. Et ça finit là-dessus. Et là, d'un seul coup, t'as tout compris. Donc voilà, j'avais envie de réagir à ce qu'a dit Antoine et reparler du film, effectivement, a été peu soutenu par la presse. À part Mediapart, enfin des choses comme ça. Mais ouais. Sinon, ouais. Comme le dit Denis Robert sur les réseaux sociaux, on a quand même pas mal d'entrées pour un film qui a été assez peu porté. Voilà, j'allais dire qu'avec un peu de chance, et par contre, le genre de film, on parle des films d'animation qui disparaissent rapidement et qui sont peu, avec un peu de chance, ça c'est le film d'animation qui heureusement sont portés aussi par le public et par des salles, heureusement encore indépendantes qui aussi. Je pense porte le film. Et puis quand même, il y a un gros distributeur dessus, qui est quand même Jour de Fête. Donc il y a un réseau. Florentine, vous voulez vous parler quelque chose ou pas pour l'instant? Une séance en janvier, on va peut-être attendre la fin de l'émission. On va peut-être attendre, comme ça on attendra la fin par rapport à ça. Oui. Moi, je voulais vous dire que Nightbust de Josieh, je n'arrive jamais à prononcer comment on le prononce, H-S-I-E-H, est sur le New Yorker. Nightbust, c'est un film qui a eu le Grand Prix au Piaf, mais pas que ça, à Zagreb, qui a eu le prix dans pas mal de festivals. Qu'un film complètement barré, il suffit de taper Night Bus New Yorker et vous allez tomber. C'est une histoire d'un voyage à Taïwan avec un singe, je ne vous en raconte pas plus. C'est assez violent, je préfère vous prévenir. C'est complètement barré, c'est à la fois drôle et à la fois aussi au niveau, c'est ce que j'aime bien. C'est peut-être pour ça que vous aimez bien le faire, c'est très politique, sans le mettre de manière aussi directe justement, mais en tout cas de manière assez politique sur les classes sociales de cette manière. Donc c'est vraiment très très intéressant. Il y a un DVD sur la peur russe de Ladislas Starevitch chez Dorian, encore le grand travail évidemment de Béatrice Martin Starevitch et François Martin qui travaillent depuis un bout de temps sur le travail de Ladislas Starevitch, et faut reconnaître que c'est quand même assez incroyable, c'est génial de pouvoir avoir comme ça tous ces films en DVD, ils se battent par rapport à ça, et moi je les ai pas vus, et là c'est même des films de Starevitch en prise de vue continue, donc il y a vraiment de tout. Il y a vraiment tout un mélange du début. Est-ce que je continue? Vous avez des choses encore à dire ou je finis? Je vais finir. Alors, juste, j'avais trois petites choses à dire et je voulais dirais, c'est juste, j'aimerais un jour que je vais faire des appels. Je vais faire des appels. Alors là, aux gens de Clermont-Ferrand, du festival de Clermont-Ferrand, j'aimerais un jour qu'ils m'expliquent comment ils font la sélection du labo en animation. Juste à un moment donné. Alors, vous le savez pas forcément, mais voilà, les films. Alors, Amok, Grand Prix à Annecy récemment dans la sélection officielle en labo. Alors Backflip de Nikita Diacourt, d'accord, voilà, en effet, il peut être Bird and the Peninsula d'Atsushi Wada. Je suis désolé, là c'est très anime, désolé pour les gens qui, mais c'est juste très bizarre. Alors bon, pourquoi pas aussi, c'est un peu bizarre, ça dure 20 minutes, il y a pas trop et tout. The Debutante de Elizy Hobbs en labo. Alors oui, c'est vrai que Oh, l'esthétique est un peu étrange quand même. Puis il n'y a pas de décor, donc je suppose que ça doit vous faire vraiment étrange. Alors, c'est pas contre la... Je comprends à quel point une sélection est difficile. Hein. J'en fais, c'est pas du tout des élections. Persona, prix, grand prix, je crois, cette année à Annecy, du film étudiant. Pareil, alors oui, c'est les personnages un peu bizarres aussi. Je crois que dès qu'il y a un personnage bizarre graphiquement, ce qui se confirme avec le dernier film, enfin, l'avant-dernier film, parce que j'ai quand même le mieux pour la fin. Donc, Scale. Ou alors, il faudra qu'on m'explique aussi, parce que alors, c'est que des personnages en fait un peu déformés. Je pense que les gens de Clermont, dès qu'ils voient des personnages déformés, se disent « Oh, c'est Lavaux !» Parce que l'être humain, en effet, on est fait de chair et en os. Et donc, ça peut être... Je suis désolé, c'est vraiment pas... Je respecte Clermont, c'est un gros festival, ils sont depuis plus longtemps. Je sais que les réalisateurs et les actrices pleurent quand ils ne sont pas en sélection à Clermont, etc., etc. Et c'est pas contre Clermont, c'est juste que je comprends pas. Et le dernier, c'est Pentola. Oui. Alors... Déjà, je parle même pas du film, parce qu'à la rigueur, c'est pareil, c'est les goûts et couleurs, mais qu'est-ce que ça fait en labo, je ne comprends pas. Et en fait, je suis désolé, mais c'est juste que j'ai tellement l'impression que Clermont maintenant relègue l'animation au labo en disant juste. Il y en a, mais il y a un côté un peu. Mais ce n'est pas que pour l'animation, parce qu'il y a des films de prise de vue continue qui sont au labo. Moi, je suis tombée de ma chaise. Bah, il y a des films que nous, on avait sélectionnés à la semaine de la critique, et notamment le documentaire Will You Look at Me de Shu Li Yang, qui est une sorte de carton de festival depuis sa présentation à la semaine. Ce film passe partout. Il est sélectionné là à Sundance, il était à Toronto. Il est partout, il gagne des prix partout. C'est un film, c'est un documentaire sur sa maman. Alors certes, c'est fait avec des images qu'il a filmées avec une petite caméra, voilà. Mais c'est un film qui, évidemment, a toute sa place dans une compétition internationale. Donc, les deux formes, le documentaire est aussi beaucoup relégué au labo. Voilà. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est peut-être arrêter le labo. Clairement. Non mais, peut-être qu'à un moment donné, ou en tout cas lui trouver un autre nom. Encore une fois, c'est pas polémique pour polémique, c'est juste que si, moi je connais bien l'animation, mais si en documentaire, c'est la même chose, et je connais pas les films expérimentaux, mais on a Yann Gonzalez, enfin, on a encore les mêmes noms, évidemment, qui reviennent. Yann Gonzalez est au labo, on est voilà, d'accord, pareil. Voilà, Yann Gonzalez est en labo, etc. Qui était chez nous aussi. Voilà. Et après, peut-être qu'en fait, il faut aussi que le labo devienne... Puisque pour l'instant, le labo, il est composé, finalement, de ce qui vient dans les sélections nationales et internationales, ce qu'ils reçoivent à ce niveau-là. Oui. On ne peut pas, si on est producteur ou réal, dire « Moi, je veux m'inscrire au labo ». Peut-être qu'il y a aussi à réfléchir par rapport à ça. Est-ce qu'il ne faut pas un jour se dire bah, « Maintenant, on va faire... c'est les prods qui choisissent à quel endroit ils veulent s'inscrire, quoi. Et après, du coup, ça fait des... Tandis que là, bah, effectivement, on a un corpus, et à l'intérieur du corpus, après, on envoie aux gens du labo des choses qu'on va se dire, non, on prend pas. Et parfois, voilà, on sait pas. C'est un peu... C'est du repêchage, en fait. Les films qui ne peuvent pas être dans les compétitions. Ouais, sauf que Francis, à une époque, c'était des fois... Mais c'était autre chose. Là, moi, ce qui me paraît étonnant, c'est que je trouve que... Enfin, encore une fois, comme par hasard, Amok, The Debutante, Persona et Scale, on est vraiment sur plutôt une histoire. C'est des histoires qui sont très, très classiques. Alors oui, il n'y a pas forcément de sort dans Amok, mais bon, c'est une histoire quand même assez classique malgré tout. Jersey Débutante, moi que j'adore. Bah, c'est à cause de la hyène. Classique, ouais, non. C'est ça. Enfin bon. C'est juste un anthropomorphisme bizarre. Ouais, c'est ça. Et que c'est hyper violent et politique. Persona, etc. Ah oui, c'est ça, c'est politique. En animation, il ne faut pas trop montrer des trucs politiques, on ne sait jamais. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que ce qui était avant déjà un peu problématique, là devient maintenant aujourd'hui beaucoup plus que problématique, devient carrément mais un cul-de-sac, quoi. C'est-à-dire que ça aurait pu s'appeler labo. J'ai fait un truc qui est trop facile, mais ça va s'appeler quoi? Poubelle de Clermont-Ferrand? Non, parce que je sais, c'est rude, mais stupide. Mais avant, non, ça s'appelait digital. Quand ça a été créé, c'était digital. Oui. Au point de départ, au numérique plutôt. Mais après, effectivement, de toute façon, puisqu'il y avait plus de 35 ou de 16, c'était labo, mais après on peut se poser plein de questions parce qu'il y a aussi des films expérimentaux qui une fois vont être en labo, une autre fois vont être en la compétition soit nationale soit inter. En prise de vue continue. Oui. Ça visiblement en tout cas et encore, mais je veux dire, bon, on va pas, mais en tout cas visiblement en anime, en tout cas moi en anime et donc visiblement aussi en documentaire, et bon, ça serait bien de voir un peu plus en prise de vue continue fiction, on va dire, mais ah bah c'est quand en fiction, c'est quand moi je vais peut-être faire simple, mais c'est quand il y a un dispositif. Oui. Yann Gonzalez. Typiquement le film de Yann Gonzalez. Ouais. Au début de Yann Gonzalez, les premiers films, c'est parce qu'il y avait des dispositifs. On parlait à la caméra. Il y avait un jeu qui était un petit peu engoncé. Et puis d'un seul coup, il y avait un truc très. Ça dansait alors qu'il n'y avait pas forcément de raison. Enfin, voilà, il y a By the Kiss, c'était pareil. Quoi. C'est parce que c'est des couples qui s'embrassent. Quoi. Et puis voilà, et c'est tout. Il y a des dispositifs. Mmh. Non, mais bon, c'est un peu. Voilà, c'est un peu dommage en tout cas pour l'animation parce que. Enfin, encore une fois, The Débutante avait largement une place enfin normale en international. Mais après, c'est pas dommage. Pas, les gens qui vont à Clermont savent que la meilleure section, oui, c'est la labo. Après, oui. Après, que c'est celle vrai. Où il faut voir toutes les compétitions et il y en a moins. Ouais. Et voilà. Il y a ça aussi. C'est vrai. Après, en fait, ça peut être bien d'y être. C'est vrai qu'en fait, il vaut mieux être en labo. Ça veut dire que c'est la bonne sélection. Merci Marie-Pauline pour ce côté un tout petit peu. C'est vrai. Allez, et je finirai, et on fera un petit point sur d'autres choses tout à l'heure à la fin. Je finirai juste pour dire que, à la fois, je comprends l'importance de Stop et à la fois, qu'est-ce que ça m'agace d'avoir encore des tops. Donc oui, c'est super que Chantal Akerman soit numéro 1 et que son film et que tous les trucs importants. Mais qu'est-ce que c'est agaçant d'avoir toujours le fait que ça soit numéro 1 et que donc dans 10 ans, on aura un autre numéro 1. Alors oui, je sais que sociologiquement et politiquement, ça ramène des choses et c'est sûrement important et on va toujours râler tout le temps par rapport à ça comme on se retrouve évidemment les films africains où on se retrouve bien sûr je parle même pas des films d'animation parce que bon déjà on a un film de femme en premier et on a Claire Denis en 8e je crois si je dis pas de bêtises donc on a enfin deux films de femmes qui arrivent dans le top 10 donc on va pas râler, c'est déjà bien en effet comme on dit sociologiquement et politiquement c'est important ces tops là mais c'est vrai que je pense que j'aimerais bien un jour qu'on ait une espèce de top 100 sans numéro et qu'on se dise juste voilà les 100 films qui nous paraissent importants dans l'histoire du cinéma pour l'instant sans forcément se dire sans forcément qu'on se dise tiens c'est là un film européen parce que bon c'est un film de femme et c'est un film européen aussi hein, bien évidemment toujours etc donc voilà c'est juste mais qu'il soit un vrai top 100 parce que là la manière dont il est fait celui dont tu parles alors justement est-ce que tu le sais parce que j'ai regardé un peu c'est quoi ils ont des listes en fait ils demandent à 1600 personnes de donner leur liste de 10 films de tous les temps et comme chacun donne seulement 10 forcément dans les 10 films il y a plein de choses que vous n'allez pas mettre est-ce que tu mets un Disney dans tes 10 films préférés. Peut-être pas. Si on te demande tes 100 films préférés, tu vas peut-être en mettre un. Mais donc, il faudrait qu'en fait, ils demandent les 100 films préférés. Il faudrait demander. Et en plus, comme ils agrègent les votes, qu'il y a tant de gens qui votent et tout ça, moi, mon rêve, ce serait qu'on prenne, je ne sais pas, 15 personnes vraiment élues parmi les élus, qu'on les enferme dans une pièce et qu'on leur dise d'élaborer ce top. Et ils ne sortent pas tant qu'ils n'ont pas choisi 100 films. C'est 12 hommes en colère. Et comme je ne suis pas trop violente, je ne leur demande pas effectivement de classement. Alors, je leur demande juste de sortir 100 films. Voilà, en réfléchissant à tous ces points que tu as évoqués, parce que là, effectivement, personne n'a réfléchi à rien, puisque chacun réfléchit juste à 10. Donc au final, bon, là, il se trouve qu'on a une femme en premier, c'est formidable, c'est un chouette film, etc. Mais effectivement, il y a plein de choses qui manquent, mais c'est pas parce que les gens n'ont pas voulu les récompenser, juste que la manière dont c'est fait, ça veut. Enfin voilà, c'est une vision très étroite, en fait. Et je me demandais même si on leur proposait pas une liste. Quand même d'avoir en tête pour avoir quand même quelques films déjà. Enfin, je pense qu'on leur donne la liste d'il y a 10 ans, peut-être une liste de toutes les fois d'avant, ça je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. C'est très drôle parce que ces listes individuelles sont publiées et il y a des choses tellement amusantes. Ouais. Et notamment, il y a quand même quelqu'un, un réalisateur dont le nom m'échappe, qui a mis Kung Fu Panda. Voilà, parmi ses 10 films préférés de tous les temps. Eh ben, je crois qu'on peut s'arrêter là, même s'il faudrait savoir le nom du réal. On va essayer de le retrouver un petit peu plus tard et on va donner la parole. Pour le... Non ! Mais oui, bien évidemment, pardon. Le morceau qu'on va entendre après est un morceau proposé par Francis Gavel. Alors, il le sait pas... Enfin, il le sait. Il m'a envoyé la liste, mais il sait pas. J'ai hésité beaucoup. Et je vais vous le dire maintenant. J'ai hésité avec les musiques de Smoking, No Smoking, d'Alain René. J'avoue que je voulais passer. Mais en fait, en regardant la page Wikipédia de Miss Tinguette, car nous avons entendu Il m'a vu nu, est-ce que vous savez le vrai nom de Miss Tinguette ? Eh ben, et là, d'un seul coup, je me suis dit, c'est pas possible, il y a des choses comme ça. Son nom, son vrai nom, c'est Bourgeois, ce qui correspond bien à Francis Gavel, je trouve. Ça, c'était pour la petite blague, mais réellement, le plus important, c'est ses deux prénoms. Le prénom de Miss Tinguette, le premier, c'est Jeanne, ce qui nous permet de dire un petit bonjour à la maman de Francis. Je sais pas si elle nous écoute, mais voilà, donc la maman de Francis. Et son deuxième prénom, c'est Florentine. Donc, elle s'appelle Jeanne Florentine Bourgeois, ce qui fait que d'un seul coup, je me suis dit, ok, la maman est la co-réalisatrice, on ne peut passer que du Miss Tinguette, on ne va pas passer autre chose. Donc, on écoute « Il m'a vu nu » de Miss Tinguette. Un soir, je faisais une pleine pour tout maillot, j'avais la peau, nul ne pouvait me près de moi, un cri d'émoi. Il y avait un homme sur un rocher, pas assez haut. L'homme a fait « Oh !» et moi dans l'eau, moi j'ai fait « Oh !» Il m'a vu nu, oh, tout nu, oh, sans cache-truc ni soutien machin, j'en ai rougi jusqu'au vaccin. J'ai négligé de voiler quelques petits chichis. Il m'a vu nu, oh, tout nu, oh, plus connu. C'est quoi le rapport entre les petits pois et toi? Si ce n'est que vous êtes tous les deux sur ma langue et dans mon ventre. Alors, vous êtes toujours à Bulle de Rêve, pas sûr, parce qu'on n'est pas sur Bulle de Rêve, on est à Bulle de Rêve, pardon. C'est Radio Libertaire, à Radio Libertaire, décidément. Voilà, la radio, évidemment, de la Fédération Anarchiste, avec sur 89.4. Vous venez d'entendre, donc, Listinguette, tu m'as venu, et juste après, alors normalement, c'est moi qui choisis l'extrême, et là, le co-réalisateur m'a envoyé, nous a envoyé directement la bande-annonce en disant « Je pense que vous en aurez besoin », donc bon, bah, il a choisi finalement le son plutôt que moi, mais c'est pas grave, c'est aussi un animateur radio, donc il est un peu entre ces deux, entre l'animateur et le réalisateur. Donc vous avez entendu la bande-son de la bande-annonce des petits pois de Florentine Grelli et Francis Gavel que nous recevons. Vous vous souvenez la première fois où vous êtes rencontrés? La première fois, là, je parle. Ah, bah, c'était ici. Je parle même pas de. Pas des petits points. Hein. La toute première fois. Ouais. Je pense que c'était ici, parce qu'effectivement, je t'aidais pour Bulle de Rêve et que Francis avait son émission juste après. Parfois, juste après. Voilà. Ouais. Et donc, c'est ici. Ensuite, on se revoyait dans les projections diverses et variées d'animation. Puisque voilà. Sinon, la toute première fois, paraît-il. Mais moi, je ne l'ai pas vue, je ne la connaissais pas. Il paraît que c'est quand je faisais des matinées de court-métrage au cinéma Le Balzac, exact. Le Goût du Cours, où un jour Florentine m'a dit, mais je venais voir le Goût du oui, Cours. Oui, c'est vrai. Donc oui. Ça, je ne pouvais pas encore le savoir. Encore étudiante, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe entre l'écriture de cours de récré et les petits pois? Il y a 20 ans, 25 ans, il y a un changement de vie, il y a des choses. La dureté de cours de récré par rapport à, on va en parler, il y a peut-être... dureté dans les petits pois, mais en tout cas, il y a une douceur aussi quand même, il y a une certaine tendresse, Francis. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Alors non, ce qui se passe à la fin des petits pois, malheureusement, et ça j'aurais dû en vouloir au producteur à l'époque, qui m'a permis d'en faire un premier, oui, de cours de récré. Hein. Donc Fabrice Prenne-Cléache, citons-le, chez Offshore, en fait, il me permet de réaliser un premier film, hein. Ça a été un peu inattendu, quoi, cette histoire, et en fait, le problème, c'est que ça donne envie d'en faire un autre. Alors que j'aurais pu m'arrêter là, quoi. Ça aurait été plus simple, la vie. En tout cas, l'écriture, le début en 2016, puisque cours de récré, c'est 2015. Là, on l'avait fini en 2015. De 2016, j'ai écrit en tout cas le poème qui est un peu à l'origine de tout, quoi. Et c'est plus, finalement, comme on le dit un peu dans le dossier de presse qu'on a fait, c'est un élan amoureux, quoi. Donc voilà, c'est ça. Et puis je me dis, oh, finalement, il est pas trop mal, ce poème. On pourrait peut-être en faire quelque chose, quoi. Disons un film, tiens. Pourquoi pas, après tout. Et puis, bah, un film d'anime, parce que je trouve que ça s'y prête bien, quoi. Et donc, si après, il y a quelque chose, c'est peut-être effectivement le fait de se dire, bah, le premier, c'était un film sombre, assez dur, même si, bah, effectivement, on avait joué un décalage entre la noirceur de la proposition, je dirais, scénaristique, narrative, et puis la proposition graphique, quoi, qui était, elle, plus, peut-être plus douce, plus légère, plus enfantine, ce qu'on nous a reproché à un moment, quoi. Et après, bah, de se dire, on va faire peut-être quand même ces petits pois, finalement, comme c'est un élan amoureux, à un moment où tu dis, mais tout est possible, et tu y vas. Et donc, ça avait quelque chose de plus léger. Donc, j'avais ce truc en tête de dire un feel-good movie abstrait et ludique. Voilà. Comme ça, ça changera un petit peu de cours de récré. C'est ça, c'était montrer deux états d'esprit différents de Francis Gavel. Ouais, alors je sais pas si c'était aussi comment réfléchi que ça, quoi. Plus instinctif. Ou prétentieux. Peut-être que ça, mais de se dire, ben voilà, ça fera aussi du bien, et puis voilà, et puis là, c'est ce que j'ai plutôt envie de faire, quoi. Donc, allons-y, lançons-nous comme ça, quoi. Le cours de récré, c'était quoi? C'était plutôt un conte, on peut dire, c'était une BD à la base, en tout cas, enfin, c'était un petit roman, pardon, un petit conte. Ouais. Là, c'est une poésie. Bah, c'était une comptine, en fait, c'était pour moi, cours de récré, ouais. Puisque ça jouait un peu... Il n'y avait pas beaucoup de vocabulaire, et c'était un tel aime une telle, et puis après, le une telle aime un tel autre, et donc un côté comptine, comme quand on joue dans une cour de récré, quoi. Et puis, bah, là, effectivement, là, c'est un poème, et c'est un poème qui se veut un peu libre, parce que je l'ai écrit comme ça, un peu au fil de l'eau, quoi, même si après, j'ai un petit peu retravaillé, mais par rapport à un autre truc que j'ai pu écrire par la suite, là, chaque mot n'était pas pensé, réfléchi. Il se trouvait qu'elle a du paume à peau, oh bah tiens, je le fais, bon allez, on le laisse. C'est peut-être un peu, mais finalement c'est marrant. Enfin, je sais pas si c'est marrant, mais en tout cas, voilà, ça va dans l'esprit un peu libre et un peu léger de cette écriture-là. T'aimes bien changer à chaque fois? Est-ce qu'à chaque fois, t'as écrit une pièce de théâtre, des choses comme ça? Est-ce qu'à chaque fois que tu changes d'écriture, il y a, je sais pas, une espèce d'enjeu, un plaisir de se dire, tiens, j'ai envie de raconter autre chose, j'ai envie de le raconter autrement, passer de quelque chose d'un peu plus narratif dans une comptine à quelque chose de plus, un peu plus abstrait dans une poésie, on va dire, et ce genre de choses, parce que la poésie, évidemment, est un très beau, un très bel art, qu'un Chapelle notamment mettait en place. Ouais, non. Qu'est-ce que je pourrais dire, là? Je sais pas si c'est... là, tu parlais d'une pièce, donc c'était un peu comme ça, hein, c'est arrivé comme ça. Juste, tu changes, enfin, oui, oui. Régulièrement. J'ai noté, est-ce que demain, tu vas nous faire un roman ou écrire un roman, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a plaisir de l'écriture? Oui, oui, après, il y a ce plaisir de l'écriture. Tu fais des billets ici, enfin, voilà. Oui, oui, et puis même, la Florentine pourra t'en parler, par rapport au dossier de presse, un plaisir d'écriture et... Je suis aussi chiant sur la ponctuation. Et pas que la ponctuation. Je suis aussi chiant sur la formalisation du dossier de presse que finalement Florentine peut l'être sur les masques qui restent alors que personne ne les voit. Ce masque d'étalonnage, je ne voyais que ça. voilà, mais voilà, comme ça chacun en serait parti et chacun on prend quelqu'un à partie et il n'a pas à supporter les deux, il en supporte qu'un déjà. mais après, par rapport revenir à l'écriture, bah oui, ça dépend un peu peut-être de l'état d'esprit, quoi, puisque après, si je prends un autre poème que j'ai écrit plus tard qui s'appelle Vive comme on danse, et ben là, l'histoire n'est plus possible et c'est une manière de rendre hommage finalement à la, à la jeune femme pour laquelle cours de récré n'était pas écrit, mais qui a donné cet élan. Et là, par contre, c'est chaque mot est pensé, parce que chaque mot doit être juste par rapport à la personne dont ça parle. Quoi. Donc l'écriture est pas la même. Quoi. Là, c'était revenir sur le métier, tout ça. Alors je sais pas si du coup c'est très spontané, mais c'est une autre écriture. Antoine, ouais. Moi, je me demandais comment tu avais vécu avec ce texte aussi, parce qu'on a parlé entre cours de récré et les petits pois, mais il y a eu un long temps de développement, et notamment où tu étais pas forcément tout seul, mais accompagné par plein de gens, mais où c'était toi le fil conducteur. Et comment, enfin, est-ce que ce texte, il t'évoquait toujours la même chose, ou est-ce que ça a évolué au fur et à mesure? Je pense qu'il évoquait évidemment toujours la même chose. En tout cas, l'état. Je me rappelle où j'ai fini de l'écrire. Quoi. En plus, je me rappelle, c'était après une projection de La Jeune Fille sans Main, juste avant Cannes, au studio des Ursulines. Et après, je suis retourné dans le bureau où je travaillais à l'époque, et j'ai fini d'écrire le texte. En plus, j'étais content. La Jeune Fille sans Main avant Cannes, alors que j'allais pas à Cannes. Donc, je me disais, j'étais dans une bonne énergie, quoi. Je pense que le texte, il a toujours gardé cette espèce d'énergie, y compris quand on a enregistré, alors 2 ans après, finalement, les voix en studio, là. Puis Alexis était là, Alexis qui était présent partout, qui filait un coup de main monstrueux, quoi. Et puis, toi, de toute façon, Antoine, après, t'as vu, puisque t'as tout dérushé, t'as vu cette matière. Je crois que. Juste pour préciser, parce que là, ça fait vraiment entre nous. Ben, je suis désolé, vous avez aidé le film. On a aidé Francis, c'est pour ça que j'ai dit dès le début que c'était un ami, et que c'était ça, voilà. Il n'est pas invité uniquement à cause de ça, et on va parler un peu plus des petits pois et un peu plus aussi des choses, mais voilà, pardon. C'était juste pour préciser, parce que là, ça faisait un peu. Oui, mais c'est normal de. Parce que ce poème a été écrit, puis ensuite enregistré. Avant d'être un film, peut-être que tu peux en reparler sur l'enregistrement. On va en reparler. Moi, c'est intéressant aussi de rester sur l'écriture en elle-même, parce qu'elle vient à la base du film. Et en effet, comment on vit avec, pour rester là-dessus, comment on vit avec ça? Est-ce que tu dis qu'il t'a gardé cette énergie? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis, il a mis du temps en effet, même avant d'être enregistré, une fois qu'il est enregistré, est-ce qu'à un moment donné tu te dis, j'en ai marre, ce texte en effet, il correspond plus à rien de toute façon, ou il correspond au passé, j'ai plus envie d'en parler? Ben non, il est toujours resté très présent, et peut-être parce que en fait, par rapport à la personne à l'origine de l'écriture, j'ai aussi développé l'autre projet dont je parlais, Vive comme on danse, qui est jamais devenu quoi que ce soit, ni un film, ni quoi que ce soit, ni une chanson, mais qui existe. Et puis il y en a un troisième où c'est un monologue, et là ce serait plutôt, attention, on est dans Bulle de rêve, en prise de vue continue. Un autre projet encore, quoi. Mais en tout cas, pour les petits pois, et quand on l'a enregistré en 2018, moi j'avais toujours ce côté un petit peu ludique qui restait, et par le fait justement de pas, par exemple, avoir à part à ma mère, parce que je voulais qu'elle puisse s'habituer au texte, et peut-être le passage que je lui avais choisi, qui était un petit peu délicat, qui pourrait évoquer des souvenirs et tout de mon père. Donc je voulais qu'elle, elles le connaissent déjà, mais les 9 autres comédiennes avaient aucune idée, elles avaient le texte en entier, mais aucune idée de à quel moment elles interviendraient, quoi. Et le fait, donc, pour, comme je dis, de découper ça à la façon de We Are the World de Lionel Richie et Michael Jackson, comme ça, cette espèce de bandhead, et puis il y a des interventions les unes après les autres posées, et puis après il y a des voix ensemble, et puis il y a des solos, enfin, ça part un peu dans tous les sens, comme ça, mais avec une espèce d'énergie de groupe, quoi. Et j'ai le sentiment, peut-être qu'après il faudrait demander aux actrices, peut-être que c'est ce que je crois, mais que ça ne l'est pas, que au matin où on a enregistré, j'ai pas été très dirigiste, j'ai pas fait de direction d'acteur, quoi. J'ai plutôt laissé les choses aller au fil de l'eau, et venait ce qui venait, quoi. Et que finalement, la plus grosse direction d'acteur, avec tous les guillemets qu'il faut, c'est au moment, avec ton aide, Alexis, où on a réfléchi au casting, à qui on va demander. Mais c'était réfléchir en termes de timbre de voix, d'âge, de parcours aussi, de ce qu'on connaissait l'un ou l'autre des personnes qu'on allait solliciter. Florentine, toi, tu te rappelles avoir lu, le poème était posté sur Facebook à l'époque par alors, Francis, il y a un bout de temps, tu l'avais lu? Même avant, je l'avais entendu pitcher au PIAF. Voilà, sur scène. Il avait déjà plein d'idées, plein bref. Et je m'étais fait la réflexion, ça c'est typiquement le genre de truc que j'aurais pu faire. Tiens, il n'est pas venu me le proposer. Bien sûr, je lui ai fait la remarque ensuite. Hein. Voilà. Donc il l'avait lu à ce moment-là. Donc je l'avais écouté avant de le lire. En fait, j'avais entendu le poème. Et effectivement, après, j'ai eu l'occasion de le relire. Mais c'est vrai que la première fois, finalement, je l'ai entendu. Ce qui permettait aussi de se projeter. Et d'ailleurs, quand j'ai ensuite travaillé le texte, et je ne l'ai pas beaucoup relu, enfin je l'ai relu une fois ou deux, mais je l'ai laissé beaucoup reposer et j'ai fait les images sans forcément avoir toujours le texte sous les yeux. C'était important. On ne va pas parler trop de la première partie, parce que ce qui va nous intéresser, c'est à partir du moment où vous rencontrez tous les deux pour faire le film. Donc c'est autre chose. Cette première partie, elle est quand même intéressante, parce que tu recherches à un moment donné, ça part sur peut-être plusieurs réalisateurs, réalisatrices, enfin... Il y a plein de choses. Est-ce que, au-delà de ça, est-ce qu'il y a un moment donné de découragement et de se dire non, ça sert à rien, c'est pas grave, c'était sympa, l'idée, mais j'y arriverai pas, ou non, de se dire non, j'y tiens tellement à ce poème qu'on va en faire, et donc peut-être se dire ah bah tiens, si j'en faisais autre chose qu'un film. Alors, pour les petits pois, a priori, je devais y tenir, parce que depuis 2016, pour 6 minutes 30, il y a quelque part, je devais y tenir un tout petit peu. En fait, il y a pu y avoir des moments de découragement, parce qu'au point de départ, à chaque fois, c'est un film sans scénario, sans producteur et sans financement, en tout cas dans sa première partie. Mais avant, j'avais l'idée d'être de manière classique. Et tu disais, bah voilà, Francis m'a donné une playlist des petits pois et j'ai choisi parmi cette playlist. Et au début, et cette playlist, sauf si je m'en rappelle pas, mais je crois que je te l'ai jamais donné. Hein. Si je te l'ai donné, j'étais plus sûr. Tous en fait. Les éléments que tu avais fait avant. J'étais plus sûr, mais c'est vrai que très vite après, quand on est parti sur le projet avec Florentine, ça n'existait plus, puisque voyant qu'on était dans un autre contexte, et notamment un contexte où on avait moins de moyens et où on pouvait malheureusement pas payer les gens qui travaillaient, il n'était pas en plus question de rajouter des postes, quoi. Et donc de travailler de nouveau avec une compositrice, avec Sabrina Duval, avec qui j'avais bossé sur Cours de récré. Donc c'est vrai que il y avait dans un premier temps, il y a eu une manière très différente de travailler. Il y a eu deux rencontres avec des producteurs, des sociétés de production. Une, on n'a pas été jusqu'au bout, mais on a eu, à mon sens, deux belles séances de travail, et notamment une qui a été merveilleuse, parce que il fallait choisir à l'époque. Au début, le poème avait deux fins. Une fin un petit peu drôle, et puis une fin triste un peu. Et en fait, la fin drôle, elle était très courte, et c'est ce qu'on vient d'entendre dans la bande-son, c'est le début du film, en fait. Et il fallait choisir. La demande qui était faite, c'est choisir une des deux. Et moi, j'arrivais pas à choisir. Et il y a une personne qui était là à cette réunion de travail qui a dit « Mais peut-être que la deuxième fin, voyant que c'était un peu compliqué, on pourrait la mettre au début. » Et comme ça, ça introduirait le film. En plus, elle se justifie pleinement par rapport à ce qui est dit après. Et c'était une idée absolument fabuleuse, quoi. Et puis, il y a une deuxième expérience avec un producteur qui, là, s'est pas faite et qui s'est fini plus, on dira, indélicatement, à mon sens. Voilà, et effectivement, là, je me suis dit, j'en ai marre des producteurs. J'avoue, je le dis à l'antenne, c'est pas bien, mais tant pis. Et puis, il y a quand même un producteur qui m'a dit, je vais pas te produire, mais on peut se voir pour en parler. Donc, on s'est vu, donc c'est Emmanuel Alain Reynal. Et Emmanuel me dit, mais qu'est-ce qu'il y a au début du film, quoi? Bah, je lui dis, c'est le poème. Bah, peut-être qu'il faut revenir au poème. Et je me suis dit, oui, il a raison, on va revenir au poème, et donc on va faire à l'envers, et on va enregistrer le poème. Et donc, du coup, il y avait cette énergie par rapport à ça. Même si avant, après qu'on commence à bosser avec Florentine, il s'est passé du temps, et donc on avait juste une dramatique radiophonique. On va parler de cette histoire de feuilleton, pas de feuilleton, excusez-moi, mais en tout cas, voilà, d'enregistrement audio. Voilà, ça ferait que ça pourrait faire un feuilleton. On va faire une petite pause musicale. On a décidé de faire une émission aussi un petit peu plus aérée aujourd'hui. Et c'est Antoine qui va avoir plein de concerts et plein de spectacles et qui nous propose Quai Tempeste. J'ai choisi d'abord. Okay. J'attendais juste que tu me dises. Oui, je sais, c'est un peu toujours le. C'est quand on crée, il y a des artistes qu'on aime et qui nous font vibrer, mais il y a aussi des artistes avec lesquels on connecte vraiment. Enfin, il y a cette espèce de moment un peu magique où on se dit, en fait, la personne, elle est en train de faire exactement ce que j'ai envie de faire, et ça, disons que ça résonne énormément avec ce que je fabrique, pas que ce que j'aime. Et ben c'est le cas de Quai Tempeste, dont j'ai déjà passé un morceau ici. Et voilà, je l'ai vu récemment sur la scène de la Cigale. Il y a eu un moment très très fort où le morceau commence, ça marche pas, elle n'arrive pas à déclamer son texte et ça s'arrête. On souffle, on reprend, et le fait de pouvoir de laisser apparaître ça, je trouvais ça extrêmement beau, extrêmement fort sur une scène, dans un show où, qui par ailleurs est très mis en place, où il y a plein de lumière et où on sent aussi que c'est une manière de se construire un cocon sécurisé. Le concert démarre et elle dit je vais faire l'album, ce sera pas interrompu, je vous parlerai pas entre les morceaux, je vais faire l'album, je vais dérouler l'album et puis ensuite on verra. Et voilà, c'est ces moments forts qui nous marquent, et c'est pour ça que je voulais vous passer ce morceau qui s'appelle Grace, et où il y a, je vous cite quand même quelques vers parce que le texte est important, ces vers qui sont très très forts et qui sont adressés, alors on ne sait pas si c'est à une personne ou au public en général. Please use me, please unscrew me, please loosen me up, make music with me, make everything stop, make noise and make silent with me, make love, let me be love, let me be loving, let me be love, receive love, and be nothing but love, in love and for love and with love, in love and for love and with love. On écoute Grace de Kay Tempest. It was Grace, stunned by the last light of the sun. We were swimming in a green sea as deep as a drum. There are things I must record, must praise. There are things I have to say about the fullness and the blaze of this beautiful life. The beloved watched the world on its knees with an infinite degree of separation. That was something to see. And my friend told me death is like taking off a tight shoe. And when I stopped looking for me, I was able to find you. Right there where everything is transcendent, I can feel myself opening up, getting closer. No hope is enough. I've stopped hoping. I'm learning to trust. I came to under that red moon. I was completely crushed. Please use me. Please move through me. Please unscrew me. Please loosen me up. Make music with me, make everything stop, make noise and make silence with me. Make love, let me be love, let me be loving, let me give love, receive love and be nothing but love, in love and for love and with love, in love and for love and with love. Surrender. I do surrender. Move through me and feel me get out of the way and tune into something more deep and reflective than what's to be achieved or perceived or affected. What's my problem? I'm always drawn back to that wrestling match. 10 thoughts in the ring of my mind playing catch. I can't live for the noise in my head. I just want to dig a big ditch in the soil of my breath and bury my brain there. But love said, if you bring forth what is within you, what you bring forth will save you. But if you do not bring forth what is within you, what you do not bring forth will destroy you. It was Grace. Stunned by the last light of the sun, swimming in a green sea as deep as a drum. There are things I must record, must praise. There are things I have to say about the fullness and the blaze of this beautiful life, of this beautiful life. Thank you. Je pense qu'il faudrait, faire l'inverse, mais Nicolas ne le fait surtout pas. Il faudrait mettre les micros allumés pendant les trucs, mais surtout ne le fais pas. Mais voilà, donc Bulle de Rêve, évidemment, l'émission où voilà, on dit tout de toute façon, mais pas complètement. Mais on dira. Je me plaignais comme ça, je dirais pas à mes petits camarades, s'ils veulent le dire, je me plains un peu. En effet, la sélection Clermont-Ferrand. Donc. Non, on vient d'entendre, et pourtant, on aurait pu plutôt avoir Quai Tempest et avoir la douceur là, de la voix de Quai Tempest et cet accent que moi j'adore. Donc voilà. L'enregistrement, on vient d'entendre, c'était quoi d'un seul coup? Alors, il y a Serge Lissal qui le fait. Il y a Bresson, sinon en prise de vue continue, qui prend les amateurs. Alors, c'était quoi l'envie de prendre des gens qui viennent de tout parce qu'il y a, si j'ai pas dit, il y a une actrice réellement, non? Deux. Il y en a deux. Il y a deux actrices, des réalisatrices, des jeunes réalisatrices, des gens qui n'ont jamais, ne sont pas du tout dans l'animation, dans le cinéma. Il y a ta maman, il y a plein de gens. Comment s'est fait ce casting Avec ton aide, déjà, Edune, et Bing. Non, mais. Alors, effectivement, il y avait l'idée d'avoir un panel de voix large. Que ce soit pas forcément que des gens des femmes d'une trentaine d'années. Donc d'un côté j'ai proposé à ma mère et elle a dit oui, donc c'était super. Et puis après voilà, c'était un petit peu d'aller dans toutes les directions. Et le seul truc que je me disais, c'est pour ça, pour ma mère, ma mère avait déjà fait une fois des voix pour un film. C'était une séance où on faisait des overdubs pour faire des voix de foule et tout. Donc j'avais proposé à mes parents à l'époque de venir sur un court métrage, quoi. Et ils avaient déjà vu le studio, quoi, comment ça peut fonctionner, quoi. Puis ma mère est cinéphile et tout, donc récemment elle m'a longuement parlé de Benoît Magimel, donc voilà. Et donc après, c'était de se dire, faut des gens qui n'aient pas peur de ce que ça représente, un studio, parce que quand on n'a pas l'habitude, on arrive dans... D'abord, il y a la table de mixage, il y a la pièce donc à côté, et puis après, on est enfermé dans la cabine son, avec le micro devant soi. Les gens vous regardent plus ou moins, ça peut être un peu impressionnant. Donc je me disais, faut des gens que ça impressionne pas, d'une manière ou d'une autre. Donc finalement, tout le monde, plus ou moins, a quand même une connexion... avec le cinéma, effectivement. Donc il y a deux actrices, il y a deux productrices, il y a voilà, les réalisatrices, il y en a deux, et puis il y avait une amie qui est plutôt versée dans l'art contemporain, et puis après une autre personne qui à l'époque travaillait chez Mille Visages, donc qui est une association qui essaye de rendre accessible le cinéma aux gens qui sont un petit peu qui en sont éloignés, quoi. Donc il y avait quand même des gens qui d'une manière ou d'une autre savaient ce que c'était, mais effectivement après tout n'était pas professionnel au sens strict du terme, même si on est professionnel à partir du moment où on travaille, quoi. L'une des réussites de ce moment était sûrement le fait que tout le monde était là au même moment. Il n'y a pas eu, c'est souvent une question qu'on peut poser quand on fait des enregistrements, et on reparlera un tout petit peu parce qu'elle n'est jamais venue pour Mon Jukebox, si je ne dis pas de bêtises, donc on parlera évidemment avec Florentine aussi par rapport à Mon Jukebox, mais justement il y avait ça aussi, le fait que tout le monde était dans la même pièce, entendait l'autre personne, réagissait, tiens, faut que je fasse attention à ça, enfin voilà, il y avait une... C'était un peu l'idée, c'était d'abord parce que comme on n'avait pas de moyens, on pouvait le faire qu'une fois, dans le temps où on avait la possibilité d'aller dans ce studio, qui était un studio pro, et donc on avait une matinée, quoi. On a eu 2-3 heures, quoi. Donc il fallait que tout le monde puisse être là en même temps pour qu'on garde effectivement cette spontanéité qui, moi, me semblait importante et qui peut-être du coup existe parce que finalement, comme tu dis, chacune a entendu l'autre dire ce qu'elle avait à dire. Et puis après, comme il y avait des moments où les voix étaient ensemble, on a enregistré certaines voix avec les actrices tout en même temps, quoi. Donc effectivement, fallait avoir ça. Il y avait un problème pratique. Donc, il fallait résoudre ce problème pratique que tout le monde devait être là vu les conditions de production qu'on avait, qu'il n'en était pas. Et puis, après, un désir aussi, effectivement, d'avoir cette énergie et que peut-être cette énergie, après, elle s'est transmise une fois que ça a été monté, quoi. Alors, quand est-ce que... si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Vous levez la main et je suis là. Ça va, voilà, je suis au milieu et de côté pour les gens, pour visualiser un tout petit peu. Quand est-ce que, enfin, tu te rappelles, Florentine, il t'a proposé, après tu l'as engueulé en disant t'aurais pu me le proposer. À l'époque, je n'avais rien fait comme remarque, il faisait ce qu'il voulait, il ne me devait rien. Mais oui, c'était l'été. En fait, j'ai commencé la production du film en janvier 2021, donc ça devait être en juillet 2020. Si je ne me trompe pas. Tu l'as vu désespéré sur un banc. Non, il m'a appelé, je me souviens. Il m'a appelé, oui, ça devait être en juillet pour me proposer, pour me raconter le projet comme si je ne le connaissais pas, alors que j'étais en train de sourire en disant ouais, je le connais très bien ton projet, Francis. Et donc c'est là où je lui ai dit oui, je t'ai vu, je sais. Et moi, ça m'intéresse parce que donc, je venais de. Effectivement, de sortir de mon jukebox qui avait été assez long et j'avais déjà. Enfin, mon prochain projet, ce sera un projet sur l'écran d'épingle. Enfin, entre autres, je pense que j'en ferai d'autres en parallèle, ouais. Mais en tout cas, avant de me replonger dans un gros projet avec production qui va durer assez longtemps, comme j'ai pu le faire auparavant, je voulais faire. Enfin, j'avais besoin d'animer, de faire quelque chose de plus rapide et sans forcément avoir envie d'écrire. Et donc, ça tombait à pic que finalement on me propose un texte et que je puisse justement directement faire des images animées et aussi d'essayer une co-réalisation. Alors Francis au début voulait me donner le texte et me laisser faire et n'avait pas forcément parlé de co-réalisation et c'était mon souhait de vraiment avoir des retours et de l'inclure plus et de lui demander plus qu'est-ce que tu as voulu dire, enfin de pas être totalement libre et d'avoir un contrepoint parce que c'est ce qui permet d'aller plus loin, de tester des choses et de faire une faire une expérience que je n'avais pas tentée auparavant. Et est-ce que c'était pour toi te libérer aussi de quelque chose? C'est un texte qui ne t'appartient pas pour une première fois? Parce que même si les films que tu as faits plus expérimentaux viennent de toi, évidemment tes deux films, enfin les deux films professionnels on va dire, mais même ce que tu as fait avant de toi viennent des textes ou viennent de choses en plus souvent quasiment tout le temps personnel, on va dire. Là, c'était bien d'avoir quelqu'un, de se reposer, de se dire j'ai quasiment entre guillemets que le visuel à faire et justement je veux pas. Oui, voilà. Après, c'était toujours personnel parce que j'ai toujours mes thématiques et que je me le réapproprie. Mais oui, ça m'intéressait de savoir. Je lui ai posé le même genre de questions. Qu'est-ce qui t'a fait écrire? Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que c'est? J'ai cherché un peu. Alors, même si on peut toujours se dire, effectivement, le spectateur ensuite le reçoit d'une certaine façon. Mais moi, j'avais besoin d'avoir des intentions, de pouvoir me réinvestir dedans. Donc, effectivement, je lui ai demandé de m'envoyer tout ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant pour m'imprégner un peu. Je l'ai un peu questionné, j'ai un peu poussé. Et je lui ai dit, oui, ça serait bien que tu. Enfin, voilà, je vais pas juste faire des images sur ton texte. On fait un film ensemble. Enfin, et c'est ça qui m'intéressait. Et donc, effectivement, il me l'a proposé en juillet, mais le temps. Enfin. Par ailleurs, à côté, je suis enseignante et c'est toujours très prenant, en fait, la période de septembre à décembre, de la rentrée, en fait. J'arrive jamais à avoir du temps, malheureusement. Donc, ce n'est qu'en janvier, ensuite, 2021, que j'ai commencé à pouvoir faire, avoir des demi-journées par-ci par-là pour commencer à faire les images. Et donc, je voulais que ça dure. Enfin, je m'étais dit, je vais le faire sur une année. Puis finalement, ça a un peu dépassé. J'ai vraiment fini les images en mars-avril 2022, enfin, en début d'année. Là. Voilà. Ça paraît une évidence maintenant, mais peut-être maintenant aussi parce qu'on voit les images de Florentine, que Florentine est une bonne personne pour adapter les petits pois, en tout cas mettre en image les petits pois. Il y a en effet ces thématiques, on est dans une sensualité, il y a le rapport au corps, le rapport à l'organique même, puisqu'il y a l'idée de cuisine, évidemment, comme on faisait avec les petits pois. Donc il y a plein de choses qui... Pourquoi tu as mis autant de temps à penser à Florentine? C'est pas gentil. Non, on est dans une émission de radio. Non, mais parce qu'effectivement, il y avait d'autres idées avant, quoi. J'ai presque envie de dire tout bêtement, quoi. D'autres idées de co-réalisatrice, quoi. Et que c'est pour ça que je suis allé. Et puis au départ, la première expérience, en tout cas la première idée quand on a travaillé avec la première production, c'était d'inverser, puisque là on a 10 voix et une réalisatrice. On avait une voix et 10 réalisateurs ou réalisatrices, quoi. Donc on était dans une démarche très différente. Et après, en fait, quand cette proposition s'est arrêtée, a pas pu se faire, je suis reparti effectivement sur l'idée d'une seule. Et j'ai pas pensé à Florentine tout de suite, je reconnais, hein, mais il y avait pas de volonté ou quoi que ce soit, quoi. Et que c'est peut-être venu après de me dire, mais effectivement, sur quelqu'un qui est prêt à faire des films comme ça dans des conditions un peu alternatives, j'en connais pas tant que ça autour de moi. Hein. Et que, évidemment, et puis sur la sensualité, bah oui, je connaissais des films, enfin des films comme Pixel Joy, qui moi m'avait quand même pas mal marqué. Je me disais, bah oui, il y a quelque chose, il y a des choses qui peuvent se croiser en tout cas. Non, mais ce que vous avez pris pour une question méchante, évidemment, ne l'était pas fondamentalement. L'idée, c'était en effet, est-ce que c'est pas compliqué aussi de proposer à quelqu'un de professionnel, même déjà non professionnel, c'est compliqué, sans argent, sans rien, de dire, bah voilà, tu vas investir de ton temps. Bah, je pense qu'à chaque fois, sur ce film-là, enfin, puisque moi je suis dans ce cas-là, hein, dessinant pas et n'animant pas, évidemment. Tout ce que je fais en animation, c'est toujours une proposition à quelqu'un. Et pour cours de récré, c'était pareil. Hein. Sauf que effectivement, là aussi, tu m'avais aidé au début de cours de récré, parce que moi, je me disais, je peux pas aller vers des gens qui sont déjà des réalisateurs ou des réalisatrices reconnus, parce qu'ils ont leur univers, parce qu'ils ont leur projet. Donc moi, je vais arriver, ils vont me dire, bah, je suis désolé, mais j'ai pas le temps. Je t'aime bien, mais j'ai pas le temps, quoi. Donc aller vers des gens qui sortent de l'école, en sortant de l'école justement, et donc voir. Voir avec eux ce qui est possible. Et là, c'était différent parce que c'était plus la même démarche. Et que, voilà, Florentine, elle a aussi son univers. Elle avait déjà des films conséquents aussi dans sa filmo. Et donc, le temps d'aller jusqu'à elle est passé avant peut-être par d'autres idées. Voilà. Ouais, j'aime bien quand je sens Antoine bouger un tout petit peu et je me dis, tiens, est-ce qu'il y a une question ? Vas-y. Je me demandais, Florentine, tu disais que tu avais demandé des éléments. Est-ce que vous avez discuté aussi de ce que vous alliez mettre à l'image ensemble ou c'est quelque chose que tu as gardé complètement pour toi Alors, donc j'avais demandé les éléments pour voir un peu les idées qu'il y avait. Francis, il m'avait parlé d'abstraction. Enfin bon, il y avait quand même des idées par-ci par-là. Après. C'était pas très précis, il avait dit surtout il me laissait très libre et au début la totale liberté c'est pas bien, je vois qu'on réalise en tout cas c'est justement et encore plus quand on autoproduit ou en tout cas qu'on a pas, il faut qu'on fasse le rôle nous-mêmes du producteur en fait c'est important d'avoir des contraintes donc c'est vrai que j'avais poussé, enfin j'avais noté quelques mots, le fait que ce soit ludique, enfin il y avait pas mal de choses que j'avais notées, j'avais un carnet dans lequel j'ai pas fait de storyboard mais je notais des cadrages, des idées, etc. Et du coup je me suis aussi, pour que ça soit plus rapide, je me suis déjà moi-même assez rapidement contrainte à une technique et un dispositif du coup en me disant qu'effectivement pour faire rapidement j'allais faire de nouveau un pocket film, donc un film en tout petit comme j'avais fait un Pixel Joy ou Sommeil Paradoxal et que j'allais garder très peu de couleurs, donc voilà on est toujours dans les violets, même si là parfois il y a d'autres couleurs, mais en tout cas une économie de couleurs et une économie de moyens, et effectivement là tout le film est fait avec des pastels sur bande de papier avec ce que j'avais à la maison pour aussi que ce soit économique, hein, voilà, il y avait un côté contrainte plastique et technique, et déjà qu'est-ce que je peux faire avec ça sur les thématiques, sur le ludique, sur le fait qu'il y avait la nourriture, le corps, il y avait une envie d'abstraction, mais j'avais déjà le sentiment qu'il fallait que le spectateur se raccroche de temps en temps à des parties de corps ou des parties, voilà, ça a émergé au fur et à mesure que je travaillais en fait, je me suis laissée aller et assez rapidement je montrais les images à Francis quand j'en étais contente pour voir un peu comment il... Comment il prenait la chose, selon son intonation ou selon les formules plus ou moins polies qu'il me répondait, je sentais ce qu'il en pensait vraiment. Je déconnais le Francis. Et c'était intéressant parce que parfois, effectivement, je sentais une réticence ou le fait qu'il ne voulait pas forcément du figuratif. Et effectivement, j'avais commencé à travailler sur l'idée de la fourchette. Et ça c'est la fourchette, la première fois que je lui ai proposé de la fourchette, je l'ai senti très réticent. Et donc, ça m'intéressait parce qu'il fallait que je le... Je devais le convaincre, en fait, avec mes images, ou voir pousser jusqu'au bout mes idées pour voir si ça marchait. Et parfois, ça ne marchait pas, je faisais autre chose, d'autres rushs. Mais c'était très bien d'avoir un contrepoint et d'avoir quelqu'un... de ne pas être complètement libre. Mais ça s'est fait au fur et à mesure. Et effectivement, je lui ai montré les images au fur et à mesure, mais ne sachant pas où moi-même j'allais. Donc, j'avais pas de plan. On n'a vraiment pas fait de storyboard inanimatique, quoi. On fait juste une coupure au musée. À chaque fois, non mais j'adore parce que vous savez, on a un petit truc et Marie-Pauline à chaque fois va poser une question au moment où je me dis là, il faut que je fasse absolument une coupure. Et je pense qu'elle sent ça, il y a un côté, on a un côté instant animal, tu les autres, on fait une coupure très rapide. Elle est vraiment super rapide, mais juste pour voilà, se reposer un tout petit peu, on va écouter, voilà, vous le savez, si vous écoutez de temps en temps l'émission, l'une de mes obsessions, c'est les voix fortes de métal qui grôlent, etc. Et mon autre obsession sont, je sais pas pourquoi, depuis pas longtemps, les... chanteurs, chanteuses, un peu plus teenagers, un peu plus, voilà, voix, etc. Alors, j'en pose rarement ici, parce que quand même, faut pas. Mais je suis tombé sur une chanteuse qui s'appelle Holly Humberstone, et en fait, elle fait une très belle reprise d'une des plus belles chansons, pour moi en tout cas, de Prince, qui s'appelle I Will Die For You, qui est sur Purple Rain, ça dure 2 minutes 30, donc on est juste, on écoute Holly Humberstone, et on revient juste après pour parler plus en détail des petits pois. Something that you'll never understand. I'll never beat you, I'll never lie. And if you're evil, I'll forgive you by and by. Cause you, I would die for you, darling, if you want me to. You, I would die for you. I'm not your lover, I'm not your friend. I am something that you'll never comprehend. No need to worry, no need to cry. I'm your messiah and you're the reason why. Cause you, c'est pour ça que je suis content. Je savais qu'il fallait de toute façon qu'il y ait un réalisateur, et encore plus, je suis encore plus content qu'Antoine soit là, parce qu'il pose des questions, même hors sur les rapports producteurs, réels, réalisateurs, etc. Et un jour, je vous promets, je le promets maintenant, parce que je pense que c'est l'un des grandes problématiques de notre monde du court-métrage. On parlera de la distribution du court en festival, parce que c'est une vraie problématique. Moi, je le vois bien, on ne reçoit pas la moitié des films, des fois, qui sont envoyés. Les gens qui, enfin bon voilà, donc ça sera, c'est vraiment, vraiment intéressant de voir comment les gens voient et comment ensuite répercutent, comment, encore une fois, les gens continuent à râler contre les grands festivals parce qu'ils ne sont pas sélectionnés, mais dès qu'ils sont dans les petits festivals, ils postent rien ou ils disent rien. Et ça, c'est un truc qui me paraît toujours étonnant, cette espèce de mélange. Et donc voilà. Ceci étant dit, nous sommes avec Florentine Grelier, Francis Gavel, et toujours Marie-Pauline Mollaret et Antoine Bieber. C'est Bulle de Rêve, l'émission 100% animation. On parle des petits pois verts. Pourquoi j'ai dit petits pois, je ne sais pas. Mais des petits pois. Et Marie-Pauline, avant que je te coupe honteusement, tu avais une question. On t'écoute. Oui, moi je voulais rebondir sur ce que tu disais, Florentine, à la fois sur le fait que tu avais mis le texte de côté et aussi sur ta manière de travailler. En fait, j'arrive pas à me rendre compte si tu as commencé tout de suite sur les bandes de papier, si tu as fait des travaux avant. Et quand tu dessinais, est-ce que tu pensais à une partie du poème en particulier, ou est-ce que ça venait comme ça et tu te disais on verra après où ça va s'insérer? Oui, c'est dommage, j'ai pas pris le. J'ai pas pensé à prendre effectivement le carnet de croquis que j'avais. J'ai commencé à travailler assez rapidement sur les bandes de papier, mais effectivement j'avais un carnet de croquis sur lequel je notais mes idées, les idées de rythme, les idées, le fait que comme j'avais peu de moyens, il fallait varier les formes qui apparaissaient, varier, enfin, donc j'avais plein d'idées et il fallait commencer par quelque chose. Donc j'ai mis le texte de côté parce que je voulais pas forcément faire le film à partir de la première strophe. Je savais pas par quoi commencer. Je me suis dit on verra bien ce qui sortira. Et il fallait que je me fasse la main aussi avec les pastels. Donc en fait, les entrées de film, c'est toujours important. Le moment où la mère de Francis parle était aussi importante. Donc je ne vais pas commencer par ces moments-là. Et la fin était importante aussi. Donc ça, il faut en général garder les moments clés du film pour un peu plus tard, le temps de se faire la main sur l'animation, etc. Donc je m'étais dit, ça sera sûrement sur la deuxième ou troisième strophe. Enfin, en tout cas, peut-être des choses un peu moins fortes dans le film qu'il faut commencer, mais sans avoir d'idées précises. Donc j'ai commencé à accoucher mes premières idées d'apparition abstraite, de voir que déjà comment on pouvait faire avec la matière du pastel, comment le pastel se mélangeait avec de la térébenthine ou non. Donc en sachant que je récupérais donc des chutes de papier chez un imprimeur, donc voilà, je récupérais ces chutes de papier qui me faisaient des bandes et qui avaient des grains aussi différents. Donc par exemple, je me suis dit, je vais garder un grain de papier par strophe. Enfin, il fallait que je trouve des processus. Et donc j'ai commencé à faire des premiers essais, je les ai shootés, puis je me suis dit tiens, en fait, ça serait pas mal pour la deuxième strophe. Enfin, ça a l'air de bien parler avec ce qu'amène la deuxième strophe, donc qui était sur les petits doigts. Voilà. Et donc je me suis dit tiens, ça dialogue bien avec la deuxième strophe, donc il y a l'image du doigt, donc ça serait pas mal qu'on ait cette image du doigt qui soit en arrière-fond, qui vienne, qui reparte. Et donc je pouvais intercaler ces bandes, je pouvais faire 5 images par bande. Voilà, je sais pas si c'est très indicatif pour les gens qui, mais en tout cas c'était des bandes de 5 images, et donc je pouvais intercaler des images, enfin des bandes dans mes bandes. En fait, ça se construisait au fur et à mesure. Je me disais tiens, dans ce passage-là, ça va un peu trop vite. Puis là, il y a cette phrase-là qui vient. Donc peut-être qu'on pourrait avoir un temps où on est un peu plus dans la matière. Puis après, hop, un doigt apparaît. Puis après, on repart dans autre chose. On a, voilà, on avait l'image du petit pois qui effectivement, n'est pas vert dans le début du poème, avec cette volonté justement de travailler sur les couleurs. Et donc, j'ai travaillé autour du rond. J'ai travaillé avec des choses qui, au début, étaient des images assez instinctives et peut-être moins intéressante. Donc j'ai commencé, voilà, dans la deuxième strophe, ça a été un peu les premières images qu'on a avant d'aller chercher plus loin. Donc oui, ok, on a les doigts, on a un point, mais où est-ce qu'on peut aller plus loin? Tiens, les poids, finalement, à quoi ça ressemble en vrai? Donc j'ai fait des croquis de recherche, en fait. Et voilà, je me suis dit, ah bah oui, en fait, quand on écosse les poids, en fait, c'est hyper érotique. C'est l'Écosse, tout ça. En fait, en cherchant, en fait, c'est venu l'image, voilà, de la cosse, des doigts qui écossent, etc. Donc j'ai regardé des vidéos, donc j'ai pas vraiment fait de la rotoscopie, mais j'ai fait des passages où quand même j'ai vraiment suivi des vidéos où on écossait des petits pois à certains moments. Et j'avais cette idée aussi que quand il y avait plusieurs voix, il pouvait y avoir plusieurs couleurs, et pour que petit à petit on emmène ce passage central où il y avait plusieurs voix autour c'est un passage qui est un peu moins léger qu'au début du texte. Donc en fait, petit à petit, les idées se sont construites et ont rebondi. Mais au début, il fallait bien commencer par quelque chose. Donc ça a été les premières idées graphiques autour du poids. Et donc c'était cette deuxième strophe. Et après, petit à petit, j'ai fait la première strophe, puis après la troisième, puis après... C'est très bien d'être libre et de pas dépendre d'un processus de fabrication unique, puisque c'est ce que je disais, c'est d'une autoproduction, mais j'avais la chance d'être liée à Nova Anima, donc avec qui j'avais fait mon précédent film, et où j'avais laissé une partie de mon matériel, mon banc-titre, voilà, à la prod. D'autres réalisateurs, d'ailleurs, réalisatrices s'en servaient. Et il était libre à ce moment-là, donc j'avais la possibilité d'aller travailler ailleurs que chez moi sur du matériel, ce qui était super déjà, un endroit où travailler. Et à un moment donné, le banc-titre a été pris par une autre réalisatrice, Isis Le Terrier faisait son trailer, enfin faisait des images pour une autre réalisatrice, Raya Novanima, et j'avais plus le banc-titre. Et en fait, quelle bonne idée. Enfin, c'était bien, parce que je pense qu'en fait, je n'aurais pas trouvé la deuxième partie du film. Comme j'ai plus de banc-titre, j'ai finalement scanné les bandes cette fois-ci, et j'ai pu faire des choses au scan. Donc du coup, j'ai fait des déformations en direct avec le scanner, et j'ai déchiré les bandes. Enfin, j'ai fait plein de choses pour une partie avec laquelle ça se prêtait bien, mais parce que j'avais pas le banc-titre, et parce qu'il a fallu que je rebondisse sur quelque chose... en direct, en live, et ces idées-là sont sorties de la réalité. J'aurais eu une production, quelque chose de tout tracé, jamais je n'aurais trouvé ces processus, en fait. Enfin, tu T'écris quand même, il y a un langage maintenant à travers tes films que tu mets en place depuis plusieurs films. Donc, quand tu parles du cercle, il est déjà là. Oui. T'es pas la seule. Mais oui, oui. Il est des, non, mais c'est évident que c'est des langages. Mais les gros plans, tu l'utilises depuis un bout de temps aussi. Le cercle en un roue, etc. Enfin, c'est pas non plus. Je trouve que dès que vous parlez souvent de réalisation, les Américains, vous parlez beaucoup d'instinctif, mais il y a quand même des choses qui sont derrière, qui sont ancrées, qui sont peut-être pas écrites comme vous écrivez des choses visuelles, mais vous avez beaucoup, en tout cas. Et je trouve que finalement, Les Petits Pois correspondent bien aussi à ton cinéma. Déjà, alors peut-être un peu moins mon jukebox, même s'il y a des choses, le moment où ton père se blesse, etc., où on va être en gros plan sur lui, où il y a des choses un peu organiques, mais il y a quand même tout encore une fois, un langage cinématographique que tu continues à travers ce film. Oui, effectivement, tu as raison. Mais mes thématiques, en tout cas, finalement, mon premier jet était mes thématiques, où ce que je fais sans forcément beaucoup réfléchir. Et pour construire tout le film sur peu de moyens, sur le texte, il fallait après que j'aille plus loin et peut-être que, justement, aller voir des vidéos de décossage de poids était moins dense que j'aurais pu faire dès le début. Où il y avait des images ou des choses où il fallait que je trouve des solutions et il fallait que... Même, j'avais la question de est-ce qu'on voit ou pas la... Est-ce qu'on voit une femme ou pas? Est-ce qu'on voit une figure féminine ou pas? À quel moment? Et donc, il y avait cette volonté de ne pas voir, en tout cas, de figure humaine jusqu'à la fin et comment on les voyait ou pas. Enfin, il a fallu réfléchir à tout ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on voit à l'image, même si on est dans des choses très simples? À quel moment apparaît cet élément? Et il y avait plein d'idées. D'ailleurs, il y a des idées du coup que j'ai mis de côté. Je voulais aussi travailler plus sur le timing et le rythme des images, mettre parfois les bandes à 25 images pour faire des très grosses vibrations. Ça, par exemple, je l'ai pas pu exploiter. Il y a certaines idées. En fait, j'avais plein d'idées comme ça qui venaient et qui marchaient pas forcément. Hein. J'ai testé plusieurs choses, mais c'est vrai que ça s'est construit de la matière est sorti le film et des idées sont sorties le film. Et quand j'allais les demi-journées ou les journées que j'arrivais à avoir pour aller travailler sur le film, je savais pas forcément ce qui était prévu. J'avais des idées, je piochais dedans, mais ensuite c'était la main et le geste aussi qui continuaient le travail. Donc c'était très plaisant. Enfin, j'étais très heureuse de faire le film sur la fabrication. Le fait, j'aime toujours ce côté, je reviens, je suis désolée toujours sur ce côté instinctif, mais le fait de pas avoir le verre et qu'on le voit pour une première fois la 3e minute 15, si j'ai bien noté, où les lèvres apparaissent quand elle dit construire, on commence à avoir un tout petit peu de vert, puis à 4 minutes 10, on commence à avoir la colère là, à l'église, ça commence, on va pas trop en dire parce qu'il y a des gens qui l'ont pas vu évidemment, et le vert finalement apparaît à 3:40 de nouveau, mais il apparaît réellement quasiment à la fin quand on voit le bébé. C'était voulu. Est-ce que c'est venu très rapidement, je suppose, dans ta réflexion? Alors, c'est venu assez rapidement qu'on ne ferait pas des petits points verts dès le début du film. Mais par contre, alors voilà, le fait que ça arrive plus tard et qu'il y ait toute une construction de comment ça apparaît et s'est construit, est venu peut-être à la moitié du film. Enfin, il n'est pas venu tout de suite. Hein. C'est effectivement... il y a eu un, puis le rapport aux couleurs, à quel moment. Et alors, c'est... Finalement, cette partie centrale du film avec la voix de la maman de Francis, je ne pouvais pas aller au studio puisque j'avais le Covid. Donc j'étais chez moi sans rien, sans bantite ni rien. Et donc en fait, pendant une semaine, j'ai fait les bandes chez moi sans aucun, avec ce que je pouvais. Avec Aidan qui était avec moi aussi d'ailleurs malade. Donc ton fils, tout le monde est pas. Oui, pardon, excusez-moi, mon fils. Non, juste pour que les gens comprennent. Oui. Parce que... En tout cas, voilà, j'avais mes enfants et c'est amusant parce qu'ils faisaient avec moi. Alors, j'ai pas mis ces images dans le film, mais il voulait. C'est pour que il m'aidait un petit peu à faire tout ça. Mais par exemple, pareil, je me suis retrouvée à devoir faire cette séquence-là parce qu'il fallait avancer. Puis c'était le moment où elle devait apparaître. Je savais que je voulais quelque chose de coloré, de différent, enfin une apothéose, mais pareil, je savais pas exactement quoi. Et puis je me suis lancée et j'étais chez moi. Et c'est tombé comme ça. Et ce qui est sorti, de cette séquence n'était pas prévisible. Tout était en germe, effectivement, tout était déjà là, mais je n'aurais pas pu faire un storyboard ou une animatique qui l'aurait montré comme ça, en fait. Allez, petite coupure musicale, et on va faire comme dans Les Petits Pois, on commence doucement, puis on commence à avancer un petit peu sur des choses un peu plus speed. On va écouter le 8e morceau, je préviens, Nicolas, qui s'appelle Armageddon Time. Oui. Et on doit ça à Antoine? Oui, au clash. Mais non, bah, c'est évidemment pour vous parler d'une sortie récente qui est le film de James Gray, Armageddon Time, vu qu'on est, dans le programme, on avait un peu prévu de parler de nos coups de cœur de l'année. Et bah, c'est un film qui est encore au cinéma, que je vous encourage à voir. James Gray, il rappelle à quel point c'est un maître pour parler des grandes questions politiques et aussi de l'impact que ça a dans la vie quotidienne des gens. Et il le fait encore une fois merveilleusement bien. C'est un portrait et de l'Amérique et aussi de notre époque, et des problématiques liées au racisme, entre autres, et de comment il impacte le quotidien des gens, qui est très réussi, qui est pas hyper positif comme portrait, mais qui nous laisse une porte de sortie. Et il y a une bande son incroyable, dont ce morceau Armageddon Time des Clash, qu'on écoute tout de suite. Quel numéro ? People won't get no supper tonight. A lot of people won't get no justice tonight. And the battle is getting hard in this Irish Armageddon tonight. A lot of people won't get no justice tonight. Remember to kick it over. No one will guide you along. Que ça donne aujourd'hui. Si je parle plus fort, c'est parce qu'on est à l'antenne et non pas à l'écran. Donc, Bulle de rêve, bien sûr, avec Francis Gavel et Florentine Grelier pour Les Petits Pois Marie-Pauline. Oui, moi je voulais revenir sur voilà, ce que Florentine nous expliquait sur en fait ta manière de travailler, c'est vraiment le geste au moment. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est vraiment presque lors de la performance. C'est quand avant de faire, tu sais pas exactement ce que tu vas faire, même si tu as une sorte d'étincelle, mais peut-être pas. Enfin, je sais pas si tu as une image précise, mais en tout cas, tu as une étincelle et c'est au moment où tu. Voilà. Pour ce film-là, c'est-à-dire pour une partie des films, oui, pour oui, les. Bien voilà, sûr. C'est ça. Oui, c'est en germe. C'est-à-dire que j'ai pris des notes, des idées, des choses sur lesquelles je peux rebondir et je me dis, tiens, je vais tester cette idée-là, voilà, comme l'idée d'avoir une fourchette qui apparaît ou l'idée d'avoir... là, je vais passer de cette forme à une autre. Il y a aussi le fait que j'ai plein d'images, de petits cadrages, de choses à tester, puis qu'entre les deux, je travaille les transitions, ça passe. On est comme dans un plan séquence, en fait, infini, avec les formes qui se transforment. Et il y a aussi ce jeu de comment je vais réussir à aller de ce point-là à ce point-là, qui est assez en animation... C'est assez excitant, voilà, c'est vraiment là, c'est là où l'animation, quand on anime, de transformer quelque chose en une autre, comment la couleur va arriver, comment le rythme va changer. Donc, j'ai des points, en fait, je vais de point en point. Il y a aussi finalement les paroles enregistrées qui étaient quand même là, où parfois je me disais, tiens, où j'en suis du timing, là, il y a cette phrase qui arrive, tiens, qu'est-ce que je peux attraper, ben là, on est... on parle d'escargot. Bon, bah, tiens, là, par exemple, bon exemple, il y avait un escargot à la voix. Et là, je me suis dit, bon, bah, vraiment, j'ai pas d'idée, je vais vraiment faire un escargot. mais parce que, voilà, c'était amusant de se dire, bah, là, très furtivement, on le voit même pas forcément, mais en tout cas, je vais faire un escargot qui passe. Et puis voilà. Et je rebondis parfois aussi parce que j'ai pas forcément d'idée graphique qui se poursuit. Donc là, je rebondis parfois sur le son, et puis ça m'amène vers encore autre chose. Et c'est ça qui était, c'était excitant parce que en fait c'est comme tout n'était pas écrit justement et c'est de la matière que sortaient des choses, donc c'est voilà, c'est comme si j'avais des acteurs que je dirigeais, bien sûr c'est ma main, mais là finalement dans l'animation, quand on fait de la stop motion ou quand on fait du straight ahead, voilà, quand on est en direct, ben on sait pas où on va, il y a des accidents qui se passent, c'est que ça en fait, des accidents et des choses où ça va. On est dans la création pure, c'est en train de se faire avec nous, c'est très excitant en fait. Et avec cette méthode de travail, est-ce qu'il y a beaucoup de choses du coup que tu essayes qui ne marchent pas et que tu mets de côté, ou est-ce que finalement pas tant que ça ? Finalement pas tant que ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi des choses qui ne marchent pas mais qui à un autre endroit avec un autre rythme marchent, où voilà, les bandes pouvaient être intercalées ailleurs, et d'ailleurs après de toute façon au montage je pouvais aussi les intercaler, en faire autre chose, donc bien sûr il y a eu des rushs et des déchets, enfin si effectivement on voyait toutes les bandes on verrait celles qui n'ont pas été utilisées, mais finalement pas tant que ça, puisqu'après on peut, alors je l'ai très peu fait, mais il y a parfois aussi comme c'était, les pastels sont assez gros et les images petites, parfois il y avait aussi des choses que j'avais testées mais qui avaient besoin d'être nettoyées, alors je l'ai pas forcément beaucoup fait parce que les imperfections font aussi le charme, mais parfois ça a enlevé de la lisibilité, donc parfois j'ai retouché sur Photoshop certaines choses pour faire en sorte que ça vibre moins ou pour que ce soit plus lisible, donc j'avais aussi la possibilité de faire de la post-prod pour aussi améliorer certaines choses où là, sur le coup, la précision n'était pas au rendez-vous. Voilà, je l'ai rarement fait, mais ça, j'avais quand même la technique de mon côté, si jamais. Antoine ? Moi, je me demandais, pour repartir un peu sur votre dialogue à tous les deux, comment est-ce que toi, tu réintervenais à ce moment-là, Francis ? Et puis, je me pose aussi la question, notamment du moment très fort où il y a la voix de ta maman, Francis, comment est-ce que toi, tu t'en es emparé, Florentine ? Est-ce que c'était forcément, c'est chargé, et donc comment est-ce qu'on fait très attention à ce moment-là ou pas ? Et à l'inverse, comment est-ce qu'on... Toi, Francis, tu lâches le truc à quelqu'un d'autre, quoi. Et juste dans ce dialogue-là, on peut peut-être commencer, parce que le temps commence à avancer, à parler du troisième personne qui va avoir à un moment donné partie dans ce dialogue, qui est Pascal Bricard, qui est le musicien aussi, qui va être évidemment très important, et notamment parce que même s'il est... La musique est souvent derrière en vent, mais elle est souvent présente et très forte aussi. Donc voilà, pardon, mais ce troisième personnage aussi, quand est-ce qu'il rentre dans ce dialogue-là ? Alors, en tout cas, pour cette fameuse séquence, je l'ai repoussée, je l'ai pas... Voilà, je savais pas quoi faire, je savais qu'elle devait être importante. J'avais cette idée qu'il y aurait plusieurs couleurs à ce moment-là qui étaient amenées jusqu'à maintenant, et toutes ces voix feraient plusieurs couleurs, mais Je ne savais pas, je n'avais pas d'idée et je me suis retrouvée chez moi effectivement à devoir les faire et je suis partie sur des choses là du coup dans de la pure abstraction, voilà, quelque chose, et je me suis laissée aller avec les couleurs, avec les mélanges, avec changer les pastels en essayant d'utiliser tous les pastels, donc là c'était vraiment purement plastique, j'ai, et je l'ai proposé à Francis qui n'a pas tout de suite été très convaincu aussi. Et mais une fois que je l'ai monté sur les en fait une fois que je l'ai monté sur le son, enfin je me suis dit il y a un bon, enfin c'est assez abstrait pour qu'on puisse s'y projeter, qu'il y ait un élan qui est, et en fait je trouvais que ça marchait bien. Et au fait, finalement, Francis a eu l'air de se dire que ça marchait bien également. Bah, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que dans un premier temps, moi, sur cette partie-là, j'avais vu quelque chose de très minimaliste. Alors, j'étais souvent le minimaliste de la bande. Et donc, c'est vrai que la débauche de couleurs qui est arrivée dans un premier temps, moi, je me disais, mais c'est un peu étrange. Est-ce que c'est l'idée Donc, mais voyons quand même, et c'est vrai que par rapport à cette séquence, mais déjà quand on l'avait monté ensemble avec toi Antoine, c'était vraiment déjà l'idée de garder le fait qu'il y ait un sanglot qui monte, et pas de le mettre sous le tapis, ça je, puisqu'il était là et qu'on l'avait eu, on le prend quoi, au son. Et donc les voix, puisqu'à ce moment-là il y a trois voix, et c'est le moment où il y a des langues étrangères, donc espagnol, anglais et arabe, se dire bah, ça déjà, ça va être autour, donc on le monte comme ça avec cette spatialisation qu'on a très légèrement repris avec Pascal, mais on le monte autour, et ça c'est le baume pour consoler du sanglot. Et donc effectivement après, a contrario, pratiquement Florentine dans un premier temps elle amène plein de couleurs qui arrivent, mmh. Donc qui viennent presque contredire, comme une chaleur, enfin, en tout cas, voilà, qui, mais parce qu'en plus oui il y a des couleurs chaudes qui arrivent, mais presque moi dans un premier temps je me disais ah mais ça contredit quoi, c'est pour ça, mmh. Et puis après on passe au noir, oui, quoi. Et ça par contre c'était une volonté de nous deux d'avoir un noir présent et de pas avoir d'avoir de l'absence de son. Après, on l'a légèrement. J'ai laissé très légèrement une ouais. vibration à l'écran pour aussi, parce qu'on sait que c'est très compliqué, quelque chose de. Enfin, un noir à l'écran sans son, à quel point on cassait. Donc, on a très légèrement mis une vibration qui permettait d'avoir une rupture, mais en gardant toujours. Oui, il y avait toujours. Et très léger à l'image. Mais comme moi, je restais sur une expérience un peu compliquée de l'absence d'image et de son dans cours de récré, mais là, avec une image blanche et pas de son non plus. Donc, c'est vrai que sur le coup, en plus, j'étais presque à me dire non, mais mets moins de secondes sur le noir. Moi, je voulais en mettre plus. Et donc, finalement, là aussi. On a trouvé un compromis. Un compromis. Et puis après, avec d'un seul coup, ces deux impacts, ces deux flashs de lumière qui arrivent. Et finalement, c'était super parce que finalement, si on prend le truc, c'est presque comme bah, ce noir, finalement, c'est la mort. Et puis à ce moment-là, quand même, le texte évoque un peu ça. Et puis d'un seul coup, juste avant que la voix d'après arrive, en venant contredire ce qui vient d'être dit, il y a ces deux flashs comme si on était dans un tunnel. C'est un peu comme Paco Rabanne qui avait la lumière au bout du tunnel, quoi. Hein, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Comment détruire son propre discours en 10 secondes. Et Pascal, ça me paraissait intéressant qu'en plus des voix, il y ait un sound design ou quelque chose qui vienne faire contrepoint, parce que moi j'avais beaucoup travaillé à juste les voix, mais au montage, je sentais que il fallait accompagner, qu'il y avait quelque chose aussi à créer, puisqu'on on avait commencé à se dire on va mettre le texte, mais du coup cet espace de texte, il pourrait y avoir une autre couche de son qui nous raconte encore autre chose, enfin qui complète. Francis n'était pas, enfin voilà, n'était pas dans cette idée-là, puis finalement c'est lui. Je l'ai laissé travailler avec Pascal pour pouvoir créer, enfin pour qu'ils apportent quelque chose en plus et qu'ils créent quelque chose et que Francis puisse s'investir dans cette partie-là, et ça s'est très bien passé. Alors là, minimaliste back again, puisque j'ai commencé par dire à Pascal, non mais au départ je voulais pas qu'il y ait d'autres sons, donc il doit pas y avoir grand chose quoi. Il faut vraiment y aller à l'économie, tout ça. Et puis il y a des passages où il y aura pas de son quoi. Donc justement le passage avec le sanglot et tout ça, où là d'un seul coup c'est de se dire effectivement il y a que la voix principale et les trois voix accompagnatrices. Et donc dedans il y a des moments effectivement il y a l'animation continue à se dérouler, il n'y a pas de son derrière. Rien, même pas un son d'ambiance ou un son seul qui aurait juste la présence de la pièce. Non, mais c'est ça que je veux dire. Oui, quoi. Mais, oui. On pourrait avoir ce son-là qui est pas une son, mais qui est une onde, quoi, en fait. Et donc, Pascal, très vite, ce qui était génial avec Pascal, c'est qu'il a vu le truc arriver. Non, mais... Je l'avais prévenu un peu avant. Voilà, il se connaissait. Il a travaillé avec lui de toute façon. Il se connaissait déjà. C'est pas un hasard. Mais donc, effectivement, il a dit, mais ok, tout, et allons-y. Et en même temps, après, quand on a eu les séances de travail, d'abord, moi, dès que je suis en train de m'occuper du son, à mon avis, c'est mon élément. Et même si demain, j'en fais un en prise de vue continue, déjà, je ne sais pas où mettre la caméra, donc elle sera fixe. Et on travaillera sur le son. Mais et donc du coup là, on était dans un laboratoire, quoi. Et Pascal avait plein d'idées. Et c'était génial parce qu'on rebondissait sur les idées qu'on pouvait avoir. Après, on livrait ça à Florentine qui disait non mais là au début, moi je veux que ça soit plus organique. J'ai quand même fait et quelques tout. Retours. Ouais. parce que nous on était partis finalement. Alors ça s'est gardé un petit peu, mais en mêlant aussi ce que Florentine demandait, quoi. Parce qu'on était partis finalement. Être très descriptif sur le son, quoi. Finalement, comme si on allait avoir là que ça soit descriptif au son, là où finalement il y avait eu cette volonté d'abstraction à l'image. Et en fait, au son aussi, c'est un petit peu. C'est intérieur. Enfin, il y a quand même cette idée de. D'intérieur, quoi. Enfin, de dialogue permanent. De dialogue, oui. Oui. Et, mais... Pas permanent entre vous, c'est-à-dire d'un seul coup, tiens, je peux être. Influencé par ce qu'on va m'envoyer, et vous aussi, c'est-à-dire qu'il y avait d'un seul coup des deux côtés. Oui, parce qu'on lui a renvoyé effectivement ce qu'on faisait avec Pascal, et puis tous ces passages dont on n'a pas encore parlé où le texte apparaît à l'écran, donc en redondance, on peut dire, du texte entendu auparavant, où Pascal, du coup, pouvait développer la masse sonore et où à chaque fois, il y avait une espèce d'idée narrative, quoi, qui venait, et où en fait, puisque l'idée, ça avait été de dire il n'y a pas de musique. En fait, il n'y a pas vraiment de musique. Il y a des vibrations parfois qu'on entend. Il y a des sons qui peuvent faire penser à des guitares saturées qui arrivent de temps en temps pendant le film ou à une note en dessous. Et puis, il y a cette espèce de transe à la fin, mais qui part au point de départ juste d'un son qu'on avait trouvé. On se disait, c'est super au début. Et puis, Florentine a dit, c'est pas mal, mais c'est pas assez organique, c'est trop narratif, tout ça, d'accord. Et qui est un couvercle sur une cocotte minute qui vibre à cause de la vapeur. Et nous, on trouvait que ça faisait gamelan tibétain, quoi. Et donc se dire la cuisine, enfin il y a toujours une cohérence de toute façon, fond forme, je trouve, qui est importante même au niveau du son, quoi. Et donc se dire finalement peut-être qu'on pourra en faire une espèce de transe à la fin où en plus d'un seul coup il y a enfin des images du couple, des images fixes qui viennent s'intercaler avec les cartons de générique, et donc se dire on peut créer une troisième dynamique du récit. Il y a le tout début où il y a rien, il y a juste la voix de Pauline Cassan. On installe, et après, il y a tout le film qui se développe avec deux parties, et à la fin, on peut redévelopper, parce qu'elle a eu cette idée des images fixes, on peut redévelopper une troisième partie. Et une troisième narration, quoi. On est très technique, hein, pour les gens qui n'ont pas vu le film, mais bon, voilà, comme ça, ça vous donnera, restez plus dans plutôt les sujets et choses comme ça, mais c'est intéressant d'avoir. J'espère que si vous l'avez pas découvert au Forum des Images, vous aurez d'autres occasions de le découvrir. Je sais pas trop ce qu'on fait, 51, on est un peu en retard. On peut dire qu'on peut le découvrir au PIAF. On enchaîne directement, oui, c'était, je me dis, est-ce qu'on fait une pause en se disant que si l'émission d'après arrive, il n'y a pas l'émission après ? Eh bien, écoute, prenons la pause 9 et on va voir. Alors, merci. Est-ce qu'on prend... est-ce que tu peux rester un petit peu, Nicolas ? On peut se faire bien ? Écoute, alors, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autre émission après, je te propose qu'on revienne sur le set Bloomy, 3 minutes 24, qui nous est proposé par Marie-Pauline. Oui, on va écouter Bloomy, alias Emma Broughton, qui est connue pour des collaborations notamment avec Bon Iver et encore O'Rooney. Elle avait sorti un premier EP en 2021 qui s'appelait I Know About You, qui était hyper impressionnant, que j'ai beaucoup écouté. Et là, cette année, il y a à peine un mois, en novembre, elle nous a sorti There Is No End In Me, qui est un 5 titres à nouveau. Donc elle continue son projet solo de pop indépendante, où elle pose sa voix en toute liberté. Et nous allons écouter le titre Everybody Heals. Everyone heals but me. Oh, they all find a new song. I always wanted a song. Light as a feather. A ride home in the summer. Everyone heals. tables they turn for everyone. The knots they will turn into songs. Light as a feather, please show me the way there. Hold him tight, I'll be alright. Yes, seems easy sing me that song again. I'll sing. Bulle de rêve, pardon, sur Radio Libertaire. Bloomy, Everyone Heals. Tout le monde est sur son portable, bravo. Et donc, les petits pois de Francis, avec Francis Gavel et Florentine Grelli. Et de Francis Gavel et Florentine Grelli avec Marie-Pauline Mollaret et Antoine Bieber. On n'a pas parlé de tout, on pourrait parler. Pourquoi cette envie de ce générique un peu long? Avec justement, pourquoi alors, puisque tu en parlais, Francis, pourquoi cette envie de remettre le texte, notamment, et pourquoi... Il y a plusieurs versions, déjà, hein, du film, donc voilà, mais pourquoi cette envie de remettre le texte sur de temps à autre, et pourquoi ce moins générique Le texte, remettre le texte, dans un premier temps, c'était de se dire que c'était plus un questionnement par rapport au sous-titrage. Est-ce qu'on pouvait sous-titrer ou pas? Et Florentine faisait remarquer qu'effectivement le sous-titrage, comme c'est un sous-titrage conséquent, parce que le texte est quand même conséquent, donc il empiétait sur la visibilité de l'animation. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on fait? Et dans un premier temps, bah oui, on a bêtement pensé, enfin moi en tout cas j'ai bêtement pensé à un film dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui est Archipel de Félix Dufour-Lapeyrière, et où il y a un moment où il y a un passage avec un poème qui n'est pas traduit, qui est dans une langue des peuples premiers du Canada, et où le carton de traduction arrive avant le générique de fin, donc beaucoup plus tard dans le film. Et donc, moi j'avais une sensation que c'était par là qu'il fallait qu'on aborde la chose, parce que c'était plus simple et que ça permettrait, du coup, pour les versions internationales, d'avoir les cartons de traduction. Et puis, un film doit effectivement être de la même durée dans toutes ses versions, quelle que soit la langue, il fallait les remettre en français. À un moment, on s'est dit, mais est-ce qu'il y a une version française, quoi, en fait. Ça a été un questionnement, quoi. Pourquoi cette obligation? De quoi? De la durée de, Bah parce que après t'as des obligations légales d'enregistrement du film et qu'il faut que le film soit identique partout. Pour la bande son également, et oui, et puis effectivement là, après c'est les plateformes de distribution, mais ça à la limite on aurait pu, ça aurait été compliqué, mais on aurait peut-être pu faire deux versions différentes. Après c'est plus pour la construction du son aussi. Le fait que Pascal ait pu construire dans les interstices et pouvoir prendre plus de place pour finir par ailleurs dans une troisième partie dans le générique, ça nous intéressait d'avoir vraiment une partie sonore plus importante et c'est vrai que sans les cartons, comme c'est vrai que l'animation prenait beaucoup de place et racontait beaucoup de choses, il y avait une redondance aussi qui en tout cas moi je trouve ne marchait pas forcément, donc l'idée d'avoir le son sur autre chose pour raconter d'une autre façon la narration était aussi intéressante. Donc finalement on a essayé tous les cartons à la fin, mais c'était beaucoup beaucoup trop long, enfin je sais pas, on avait plus de 2 minutes de carton et donc là on a commencé à dispatcher et je me suis dit finalement dans la structure du film, puisqu'on a les trois premières strophes qui sont assez traditionnelles, qui nous emmènent vers quelque chose, puis qu'après on a une césure dans le film et qu'on a complètement autre chose, est-ce qu'on jouerait pas voilà, on a les trois couplets, c'est quelque chose de plus traditionnel, on a le poème qui est là, qui apparaît à l'écran avec le son qui commence à jouer quelque chose, puis on a cette césure et puis après, et là on n'était pas d'accord, après il y a la dernière partie, et est-ce que cette dernière partie on la traduit ou est-ce qu'on laisse la force des images et ce texte vivre sans traduction. Donc il y avait une version A, il y avait une version B, on a testé plusieurs choses et finalement effectivement on est resté sur on n'aura pas de carton à la fin parce qu'on laisse là les images prendre le pas et on surprend aussi le spectateur avec peut-être qu'ils n'auront pas tout compris, mais les images et l'énergie de fin auront donné des indices ou des émotions. Donc on a testé des choses. En tout cas, effectivement, c'est un vrai test, puisque cette idée de carton et comment on fait, on s'est posé la question, comment ils font en sortant de l'école? Et ils sous-titrent, ils mettent tout sur l'image. Bon, c'est pas très beau, les versions internationales, je trouve. Ce truc de quand on a un poème, comment est-ce qu'on sous-titre, où est-ce qu'on met le texte? Enfin, c'était vraiment des gros questionnements. Ce qui est bien quand on vous entend, parce que la question évidemment qu'on se pose toujours quand deux personnes réalisent, c'est comment on co-réalise un film ensemble. Comme tu disais, Francis, c'est très compliqué. La plupart des réalisateurs, des réalisatrices d'animation font eux-mêmes ou elles-mêmes leur scénario, donc il y a très peu, comme il peut y avoir de collaboration réellement, il y en a, mais finalement très peu. Et depuis qu'on vous entend, là, depuis un peu plus d'une heure, on sent que c'est à la fois intéressant parce qu'il y a des choses voilà, vous étiez d'accord, d'autres pas. Enfin, on sent un dialogue perpétuel, constant, jusqu'à la fin. En tout cas, là, sur cette idée de la traduction des cartons, pas de carton, c'était le plus gros point d'achoppement. La musique que tu voulais pas, on sent, mais c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a eu une vraie co-réalisation de comment je fais, comme tu le disais, pour convaincre, comment on fait, puis finalement, mais donc moi aussi, et donc on sent ce. Mais quand je dis ça, c'est parce que de toute façon, je n'étais pas convaincu sur le choix de ne pas mettre de carton dans la deuxième partie. Donc après, comme il y a eu un petit peu appel à sollicitation extérieure, parce qu'on était un petit peu dans un goulet d'étranglement, et donc, bon. Quand on voit ce qui se passe donc dans les réactions extérieures, donc je dis bon ok on y va, mais j'étais toujours convaincu que ça posait problème. On a continué à travailler longtemps là-dessus parce qu'on a eu là un souci avec une inscription au festival et un comité de sélection et une demande qui était faite qui continuait à nous faire dire en fait il y a un problème parce que soit dans un premier temps ils ont pensé qu'on avait oublié. Et puis après, ils ne comprenaient pas et ils voulaient comprendre. Et donc, ils ne comprenaient pas le procédé. Donc, il a fallu se dire, mais il faut trouver quelque chose pour qu'ils comprennent le procédé. Et c'était compliqué parce que moi, effectivement, dans un premier temps, je me suis dit, on va faire un carton au début, quoi, un truc un peu... Et moi, je disais, c'est un peu plombant. C'est un peu beaucoup. Et donc, parfois, il faut aller au cinéma. Il faut aller en projection de presse ou en salle ou ce qu'on veut et voir le film de quelqu'un d'autre. Alors, effectivement, immense respect, machin. Et donc, d'un seul coup, on arrive en projection pour voir Death de Tsai Ming-yang. Et Tsai Ming-yang, au début du film, quand il met le carton avec le titre, il met que ce film est intentionnellement non traduit. Et là, oh putain! Et parce que pourquoi? Parce que après, alors certes, le film n'est pas très expressif côté langue, hein, dans le film de Tsai Ming-yang. Mais quand il y en a, on est prédisposé. On sait que ça va arriver, on ne sait pas quand ça arrivera, mais quand ça arrive, on a été prévenu. Et donc, on y va. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai proposé, mais est-ce qu'on pourrait pas de la même façon, au moment où il y a notre carton de générique dans la version inter, de dire, eh ben, on rajoute cette phrase on l'a, à notre sauce, puisque là, du coup, c'est intentionnellement, en gros, hein, parce que je me rappelle plus de tous les mots, mais intentionnellement, tout le texte n'est pas traduit, quoi. Mais traduit, pas sous-titré, parce qu'il y a des moments où c'est sous-titré, donc prévenir. Mais du coup, de mettre dans une prédisposition. Et avec cette prédisposition, bah, on verra si ça passe ou si ça casse, mais en tout cas, c'est là. Je pense que la forme, oui, finalement, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé tout de suite, et je pense au final, on a réussi à trouver, pour la version internationale, l'idée qu'on ait le français et qu'il ne soit pas toujours traduit et qu'on l'ait prévenu avant. Je pense que, en tout cas, ça fait le bon compromis, ça permet d'être aussi proche, pour, en tout cas pour les spectateurs, de les lancer dans une expérience, en fait. Parce que c'est ça qu'on voulait que les spectateurs vivent, qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'ils vont voir et ils se laissent aller par les images et le son et parfois le texte, qu'ils s'immergent et qu'ils aient envie de le revoir. Enfin, c'est une expérience et je pense qu'on est arrivé sur la bonne forme. Et on a eu des retours d'étrangers qui l'ont vu et qui du coup n'ont pas tout compris le français et qui ont trouvé ça très bien, enfin en tout cas qui ont eu une bonne réaction et moi enfin, j'en étais très très contente. Du moment c'est d'expliquer de manière à ce que justement on se pose pas la question et que la question finalement empêche et sans que ce soit quelque chose de lourd quoi effectivement. Et là je pense que grâce à Ed Samignan qu'on n'a pas eu le temps de remercier au générique, mais bon c'est pas grave, on a et en tout cas vous pouvez faire en ce moment parce qu'il est toujours au centre Pompidou sa rétrospective et son tout exposition à fait. En tout cas voilà c'était d'un seul coup d'avoir la chose qui permet d'expliquer sans que ce soit explicatif. Ça t'a fait du bien de... On va juste prendre 2 minutes sur mon jukebox. Ça fait du bien de partir sur quelque chose de complètement différent après quelque chose qui est... Après ton copain, ton père. C'est souvent des choses très, très, très familiales, très, très fortes. Donc mon jukebox, qui est un film sur ton père, ça fait... Et on va parler de ça un peu, mais ça te fait du bien de passer à quelque chose de complètement différent comme ça. Oui, après, c'est pas vraiment sur les thématiques, c'est plus sur la longueur de production. C'est vrai que dès qu'un film est un peu plus narratif, on est dans des processus de fabrication plus longs. Et c'est aussi, si on veut une production, si on veut une petite équipe, il faut un peu d'argent. Et donc, il faut faire les dossiers. Et c'est très, très long, toujours très long. C'est pas forcément sur les thématiques, c'est plus sur cette liberté de faire un film, oui, sans pré-production du tout, et de faire d'animer, et que ce soit de l'animation que germe le film, quoi, qu'on revienne sur l'animation en elle-même comme forme artistique et expressive. C'est ça qui me fait vraiment plaisir. Mais c'est vrai que sur ces formes libres comme ça, d'autoproduction, je travaille moins... la narration ou certaines approches cinématographiques, les profondeurs de champ, enfin, il y a un certain pan du cinéma, c'est plus graphique et plastique, c'est pas les mêmes choses que je développe en fait, et c'est, pour l'instant j'ai pas encore trouvé la façon de faire un film autoproduit mais qui soit peut-être aussi exigeant sur certains autres points cinématographiques que mes films comme Roux et mon Jukebox. Bon, il y a quelque chose à trouver. Après, je pense que justement, il y a une écriture cinématographique qui se fait aussi dans les films autoproduits qui est intéressante de toute façon et qui n'a rien à envier peut-être aux films produits. Et puis, si je peux juste me permettre, on a quand même beaucoup, et ça c'est quand même la base du cinéma, hein, on a beaucoup réfléchi en termes de rythme aussi. De durée d'une image, de moins de durée d'une image. Donc, je veux dire, là, on est quand même dans des questions hautement cinématographiques. Bien sûr. Mon jukebox, c'était... Alors il est sur internet, vous tapez Mon Jukebox Florentine Grelier, vous avez tout le film en entier. C'est le portrait fantasmé d'un père, c'est le portrait d'un père, un fantasme en lui-même presque, tellement il fait des choses, on a l'impression. c'est pas le portrait fantasmé, c'est son portrait. C'est son propre fantasme du coup. Mais oui, c'est une autofiction. J'ai dit toujours que c'est une autofiction parce que il y a des parties documentaires et en même temps j'ai fait une narration pour pouvoir réussir à synthétiser tout ce que je voulais mettre dans ce film-là. Donc effectivement, ça ne s'est pas passé exactement comme dans le film, mais il y a beaucoup de choses vraies dans le film. Et donc ce rapport, au passage à l'âge adulte et à notre rapport qui change à nos parents et là du coup à mon père et me dire c'est vrai que tout ce qu'il a fait dans sa vie, de s'intéresser vraiment à qui sont nos parents en tant que personne et qu'est-ce qu'ils nous transmettent, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qui nous manque chez eux. Enfin, voilà, toutes ces questions-là, j'ai essayé de les synthétiser dans une narration effectivement un peu plus classique, en laissant des moments où là, on lui laisse la parole. Et là, la parole documentaire, c'est lui qui raconte son expérience, donc fantasmé ou pas, mais c'est sa parole. Et là, il y a des parties où du coup, l'animation, c'est aussi plus libre. Et où là aussi, à l'animatique, je n'avais pas exactement... ça s'est fait sur le banc-titre. En tout cas, ce sont des parties que j'ai choisi de mettre sur le banc-titre parce que le banc-titre, donc le direct sous caméra, permet de se laisser aller plus facilement. Alors, juste pour celui qui l'aura pas vu, hein, c'est le père de Florentine, il a tout fait. Il a été un peu partout dans le monde. C'est lui qui a fait. Alors, pour les plus anciens, vous vous souvenez, les gros colliers. Les colliers de dents de Demis Roussos. Qu'il avait. Enfin, là, donc c'est un personnage. Enfin, c'est vraiment quelqu'un. Et vous pouvez le voir, il travaille toujours ou. Ah oui, il s'est arrêté, il opus. Voilà, mon père vend des jukebox. Si vous avez. vous pouvez me retrouver sur Internet. Et si vous voulez acheter un jukebox, il en vend toujours. Et effectivement, il récupère des jukebox. Box ou des flippers ou voilà des machines électroniques anciennes, il les répare et il les revend. Ça se passe au Puce de Saint-Ouen et il est toujours en activité. C'est rigolo, je dis pas que c'est forcément opposé parce qu'il n'y a pas, mais ce travail sur toi-même, sur ta famille, sur les gens de toi, et puis un autre sur la sensualité. Alors les deux peuvent se rejoindre comme dans le film évidemment, comme Roux par exemple, mais c'est vrai qu'il y a. On a l'impression, enfin voilà, tu as ces deux grandes thématiques-là et sur lesquelles tu travailles même des fois sur tes films, en effet, plus, pas même, même sur des films plus autoproduits, plus abstraits. C'est vraiment ces deux pistes-là. Oui, c'est-à-dire que, enfin, oui, dans mes films, je pars toujours de moi. Donc, effectivement, soit c'est sur des émotions ou des choses que je veux transmettre de façon plus brute. C'est pas forcément une histoire, voilà. Parfois, j'ai une histoire ou quelque chose de précis que je veux dire et ça donne des films où j'ai besoin de travailler la dramaturgie, où j'ai besoin de travailler plus en précision vis-à-vis du spectateur d'une autre façon. Et parfois, c'est une émotion et un sentiment. Et là... dans l'abstraction ou dans une forme plus plastique, j'arrive à faire passer certaines émotions. Voilà, je ne veux pas forcément dire toujours une histoire. Je ne veux pas raconter forcément une histoire, je veux raconter aussi des émotions et des moments de vie. Et ça, ce n'est pas forcément simple, parce que quand on fait des dossiers, il faut qu'il y ait un axe dramaturgique, un début, une fin, et que la fin ne soit pas comme le début. Et beaucoup dans mes films, ce sont des boucles. Souvent, la fin est comme le début, et ça a du mal à passer. Je pense que les choses, malgré tout, changent un tout petit peu, très lourdement, même si on n'a pas envie de le dire, parce qu'en France, on aime bien râler. Mais les choses peuvent changer, et on râlera un petit peu de toute façon après et tout le temps. Mais c'est vrai que quand on voit les films qui passent aujourd'hui, comme Bird in the Peninsula, par exemple, qui est passé sans animatique... Sans storyboard, sans rien, c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est vrai que je pense qu'heureusement, petit à petit, les choses, ça dépend des gens qu'il y a dans les comités, mais les choses peuvent changer un tout petit peu. Nicolas, tu nous donnes encore 10 petites minutes ou on va passer alors, on va passer la piste 9, merci, qui est un morceau que j'ai redécouvert, enfin que j'avais écouté, que j'ai découvert récemment, qui est d'un groupe qui s'appelle Orbital, que peut-être certains d'entre vous connaissez, qui est un groupe électro anglais, super intéressant, et d'un des groupes les plus fous récents qui s'appelle Sleaford Mods, groupe anglais, ils sont deux sur scène, avec un qui hurle et l'autre qui joue sur son et le morceau s'appelle Dirty Rat. Et juste, il engueule les gens qui ont voté, qui disent bah, vous voulez vivre maintenant, vous dites que vous voulez mieux vivre, ben, regardez pour qui vous avez voté, bande d'enfoirés. Il le dit directement. Et c'est assez direct, comme le clip est vraiment, vraiment pas mal. Donc, on écoute Dirty Rat par Sleaford Mods and Orbital. People talk about the right way to live. Shut up, you don't know what you're on about. You voted for him, look at you, you dirty rat. People talk about the right way to live. Shut up, you don't know what you're on about. You voted for him, look at you, you dirty rat. Blaming everyone in the hospitals, blaming everyone at the bottom of the English Channel, blaming everyone who doesn't look like a fried animal. And you're the self-saboteur. This is espionage. And you're the self-saboteur. This is espionage. And you're the self-saboteur. This is espionage. Travel through the funnels of my country. The resin-coated dead egg of nowhere. fun in the hospitals, blaming everyone at the bottom of the English Channel, blaming everyone who doesn't look like a fried animal. People talk about the right way to live. Shut up, you don't know what you're on about. You voted for him, look at ya, you dirty rat. And my heart will bleed. It's just a separation. A fake card in a fake bank machine. There's no consideration for my heart. And my heart will bleed. It's just a separation. A fake card in a fake bank machine. There's no consideration for my heart. C'est compliqué. Donc, toujours Bulle de Rêve, Radio Libertaire. On va finir. On était ravis, j'espère, vous aussi. Merci beaucoup, Nicolas. On a plus, un petit peu plus de temps d'avoir Francis Gavel et Florentine Grelier pour nous parler. Florentine aurait plein d'autres choses. Elle travaille sur l'écran d'épingle, le fameux écran d'épingle. Elle fait plein de choses. Donc, mais je reviendrai. Pour nous parler de son travail sur l'écran d'épingle, on fera un tour avec, je sais pas, Clémence Bouchereau et Pierre-Luc Grandjean, et vous nous direz, Nicolas Igoré, vous nous direz le travail sur l'écran d'épingle et ce plaisir. Est-ce que t'es sectaire que vous avez de travailler sur l'écran d'épingle. Est-ce qu'il y a des choses, il faut pas, alors oui, vous aurez le plaisir, j'espère en tout cas pour une partie d'entre vous, de voir les petits pois au Piaf. On est ravis de pouvoir avoir, d'avoir le film. Le Piaf, ça du 18 au 22 janvier. Pas mal de choses. Les compétitions avant tout, une compétition expérimentale pour faire plaisir à notre présidente, Marie-Pauline, qui est là et qui a sélectionné elle-même. Puis moi, j'aime bien un festival où une personne fait et la sélection jeunesse et la sélection expérimentale. Je crois que ça me résume bien. C'est plutôt pas mal. On a des choses, on va montrer. On est assez content normalement des choses qu'on voit peu, comme même le film de Virgin Keaton, enfin l'installation de Virgin Keaton qu'on vous montrera exceptionnellement en compétition court, même pas expérimentale. C'est pas assez expérimental pour. Non. Alors c'est juste que si on fait une sélection expérimentale, moi c'était hyper important pour moi dès le départ. Et d'ailleurs je te l'avais dit, Alexis, je voulais pas que ce soit une espèce de ghetto où forcément un film expérimental qui se proposait pour le Piaf se retrouve forcément ou dans cette sélection ou nulle part. Et donc l'idée, je t'avais dit dès le départ, c'est toi, si tu aimes un film expérimental et que tu le veux pour la compétition, tu le prends. Et je trouve ça génial de pouvoir, en fait, juste avoir une case en plus pour montrer ces films. Et comme on est un peu fou, on a décidé de faire ça a priori le samedi soir. Aussi, tout se passe bien, on devra avoir normalement, on espère, on attend toujours une confirmation, une rencontre entre Steven Wolochen et Bastien Duprier. Donc deux réels expérimentaux qui nous parleront d'expérimentation et juste après la compétition expérimentale, donc tout ça le samedi soir. On ne sait pas encore pour la soirée de clôture, mais on essaye de vous préparer quelque chose en tout cas, voilà, d'un petit peu rare. On dédiera encore une fois, c'est important ce festival, à Sébastien Roffa, et on, si on vous dit tout ça, c'est que lors de la prochaine émission, et on va remercier évidemment énormément le syndicat de la critique, on va vous en parler de suite rapidement. On rendra évidemment hommage et on essaie de voir le cinéma d'animation iranien notamment. On a malheureusement une réalisatrice iranienne qu'on n'arrive pas à joindre. On a pris deux de ses films et qu'on n'arrive toujours pas à joindre. Donc on ne sait pas si elle n'arrive juste pas à voir les mails tout simplement, ce qui risque de se passer. Enfin voilà, en tout cas, on espère évidemment qu'elle va bien, mais rendre hommage évidemment à tout le peuple iranien et notamment bien sûr les femmes iraniennes. Et on verra aussi pour reparler, malheureusement toujours, parce qu'il faut toujours parler de ça, de ce qui se passe aussi en Ukraine, sachant qu'aussi c'est des pays. Là, par rapport à l'animation aussi qui sont importants. Et donc oui, on est ravis, et ça sera Nicolas, ça sera justement ici à côté un peu exceptionnel, on est ravis de ça. Le 21 janvier, on aura en direct ici le, alors ça sera un peu étrange pour les gens qui vont écouter, parce que vous n'aurez pas forcément vu tous les films, mais moi venez voir les films une partie en salle, et vous pourrez avoir un jury en direct. Oui, alors au PIAF, on est très très heureux d'avoir un partenariat avec le syndicat français de la critique qui propose dans différents festivals français des débats de son jury critique en public. Donc c'est toujours une expérience assez chouette puisque ça permet de voir un peu les coulisses d'une délibération, parce que ce sont des vraies délibérations. Dans la plupart des festivals, ça n'a pas été décidé avant, donc ce n'est pas du théâtre. C'est vraiment décidé devant tout le monde. Et donc là, nous avons eu cette idée un peu folle qui a eu du succès, donc qui va avoir lieu, de faire cette délibération pendant Bulle de rêve. Donc vous pourrez entendre les trois critiques parler des films de la compétition et choisir en direct leur prix. Et être obligé de se tenir à 2 heures de délibération. Oui, ça, il n'y a pas le choix. Ça, ils ne pourront pas faire autrement. Donc on remercie le syndicat, Marion... Dubois d'Arras. Marion Dubois d'Arras. Merci Marie-Pauline, la présidente donc du PIAF, merci beaucoup de nous permettre de faire ça en direct, parce que évidemment normalement comme tu dis c'est en direct dans le festival et là c'est super, et en plus pour nous c'est important parce que ça permet de l'avoir aussi ensuite, de le garder. Donc on espère qu'on vous trouve entre du 18 au 22 janvier pour découvrir les petits pois et autre chose. Moi dans les coups de cœur que j'avais, que je vous conseille d'aller voir le 25 janvier. Je pensais pas qu'après Jasmine, je pourrais être touché aussi par... en tout cas, je me suis dit, allez, je serais moins touché par le film d'Alain Huguetto. Et j'avoue que le film me reste toujours en tête après l'avoir vu. Je trouve que comment réussir à parler de la mort, mais tout en passant à autre chose et tout en ayant une galerie de personnages aussi attachants les uns que les autres. J'avoue que c'est un film qui m'a bouleversé, alors que honnêtement, je m'y attendais presque pas, et je m'attendais à être, vous savez, comme ces imbéciles et, dont je fais partie, bien évidemment, qui aiment quelqu'un au début, enfin, qui aiment quelque chose comme ça, qui disent, oh, c'est quand même moins bien maintenant ce qu'il fait, etc. Et j'avoue que j'étais très touché par Interdit aux chiens, les Italiens, qui m'a assez bouleversé, même quand j'en reparle, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui nous raconte comment cette famille est partie, et sa famille en Italie est partie d'Italie pour... s'exiler en Suisse, en France, et la dureté, évidemment, la difficulté des choses. Et aussi, très beau moment, enfin, un moment terrible sur la guerre, et comment on n'en revient pas, et comment, voilà, comment les gens n'en reviennent pas, et comment on perd aussi, je trouve, les gens au fur et à mesure de sa vie, et plus on avance. Et je trouve que c'est un film qui est très, très touchant. Est-ce que vous aviez petites choses, Florentine? Oui. Moi, je vais parler de la prochaine séance Tout Anime, donc ce sont les séances mensuelles au Forum des Images, le jeudi soir. Et là, jeudi 12 janvier, il y a Amour et Pissenlit de Zoun qui passe. Alors, c'est un long métrage autoproduit. Donc, Zoun est un auteur qui a fait pas mal de courts-métrages avant, qui était mis sur Dailymotion à l'époque, donc complètement de façon amateur, et qui, pendant 8 ans, a réalisé seul, tout seul, un long métrage d'animation en pixilation. Donc dans lequel il joue, il a fait la photo, il a dirigé la musique. Donc le film a plein de belles idées, en même temps bien sûr des imperfections, mais c'est quelque chose à voir, et qui là sera la toute première projection, donc il est très angoissé, il se demande si le son va bien passer et tout ça. Donc il faut venir le voir, il faut lui faire des retours, et il faut donner cet élan. C'est important qu'il y ait encore des gens en animation qui se lancent, voilà. Et j'ai rencontré Zoun au cours d'un festival, et il est venu me dire ça, j'en croyais pas mes oreilles. Donc ça existe encore, et c'est important que ça continue à exister. Et j'espère qu'il y aura du monde pour faire des retours et pour l'aider à continuer. Et voilà, venez voir Amour et Pissenlit, donc au Forum des Images à 19h le jeudi 12 janvier. Et voilà, moi je serai là en tout cas pour, pour pouvoir... le supporter, faire la pom-pom girl. Merci beaucoup Florentine. Francis? Oui. Alors pour l'instant, le film, on ne peut pas le voir encore à Paris, mais l'occasion se présentera sûrement. Pour l'instant, comme on a parlé d'un certain festival qui se tient dans un pays volcanique, donc à Clermont-Ferrand, le film est en sélection nationale à Clermont-Ferrand. J'ai juste eu le plaisir de le découvrir cette semaine. C'est La Grande Arche de Camille Ottoir. Donc court métrage, et franchement, alors moi la Défense, c'est un quartier que j'ai quand même beaucoup fréquenté dans ma vie professionnelle, dans lequel j'ai beaucoup travaillé, et je trouve qu'à la fois donc elle restitue cette ambiance d'une manière assez forte, très très réussie, très juste. Il y a notamment un plan qui est très impressionnant en plongée sur le parvis de la Défense, et on voit les gens qui vont travailler. On a vraiment l'impression de voir un peuple de fourmis. Et puis le film sur la fin part dans une partie onirique, et sur le coup, je me suis dit, dit, puisque une des sculptures qui est très importante, puisqu'il y a beaucoup de sculptures, il y a beaucoup d'œuvres d'art, mais qu'on ne voit pas forcément, dont on ne se rend pas compte à la Défense, s'anime. Parce que le film, en fait, démarre... donc, la réalisatrice va à la rencontre de quelqu'un qui habite au cœur du quartier de la Défense. Et en fait, de cette rencontre, elle va aller vers une autre rencontre avec quelqu'un qui serait plus un SDF, on va dire. Et donc, il y a une dernière partie comme ça qui s'anime de manière plus onirique. Et au début, je me suis dit, ah, c'est un petit peu dommage, mais l'intelligence qu'elle a, finalement, c'est que ça se développe. Ça prend de l'ampleur et que c'est dans cette ampleur que finalement elle prend force, et force qui est renforcée alors par la présence d'une partition de Bachar Markhalifé qui est absolument phénoménale, tout seul au piano. C'est d'une beauté à tuer, quoi, et en même temps d'une dynamique incroyable. Donc voilà, c'est un court métrage qu'il faudra surveiller, à mon sens, et qui va être surveillé, j'en suis sûr. Hein, mais qui commence sa carrière à Clermont. Voilà, qui est La Grande Arche de Camille Ottoire. Ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup, on vérifiera ça. Antoine ? Pas forcément, merci beaucoup. C'est chanté déjà, Marie-Pauline. Bah oui, moi, c'est quand même l'occasion être belle de rappeler que lundi soir à la Cinémathèque, on parle encore d'animation avec la séance annuelle du cinéma d'animation dans tous ses états qui se trouve être sélectionnée et animée par Francis ici présent. Décidément. Voilà, donc c'est à 19h à la Cinémathèque. C'est toujours un beau rendez-vous pour voir tout un tas de chouettes courts-métrages d'animation sur grand écran. On nous a piqué plein de films du Piaf. Mmh. Mais vous pourrez les revoir, vous pouvez les revoir, allez les voir à la Cinémathèque. Et puis c'est important d'aller voir à la Cinémathèque pour voir. Avant de remercier. Vraiment merci beaucoup Nicolas d'avoir pris tout ce temps là et je voulais juste dire un petit mot, vous me connaissez, faut toujours, je disais, je râle aussi évidemment, je voulais juste repréciser à la Comédie des Césars que le cinéma ne se fait pas qu'à Hollywood, et donc le César d'honneur n'est pas obligé d'être donné pour la énième fois à un réalisateur américain. C'est pas mal ce qu'ils font, mais il y a des gens bien un peu partout. Il y en a en Italie, Nanni Moretti. Pas très compliqué hein, d'aller loin. Je suis persuadé qu'on en a tous. Bellatar sera un beau César d'honneur. Je suis pas sûr qu'il ait jamais eu un César d'honneur. Koreeda sera un beau César d'honneur. Je parle bien pas de Miyazaki, faut peut-être pas non plus là. Je vais pas demander. Mais c'est juste un peu fatigant. Et je le dis d'autant plus que je fais partie et que je le dis à l'intérieur et que je sais qu'il y a plein de gens à l'intérieur des Césars qui sont d'accord et qui veulent changer cet état de fait. Donc c'est un truc. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi cette année, donc on a David Fincher. Et je n'ai pas encore calculé, mais j'aimerais savoir le nombre d'années que ça fait, que c'est uniquement Hollywood qu'on va récupérer en fait nos Césars d'honneur. Je ne sais pas, il y a peut-être un problème. Ça, c'est le problème français. On déteste quelque chose, mais on les invite quand même. On se dit juste, bon, on n'aime pas Hollywood, mais quand même. Enfin voilà, c'est un petit peu agaçant. Ça ne montre pas cette liberté qu'on a et justement qu'on a vu dans le court-métrage dans le César du court-métrage cette année où on a la moitié des gens qui viennent justement d'Israël, du Japon, de Slovénie, enfin voilà, d'autres pays. Donc ça serait bien de faire un peu la même chose. On se retrouve. Alors, moi, je serais pas là, je serais au sud des Ursulines. On a oublié de vous dire que le Piaf, c'est au sud des Ursulines. Donc, vous pouvez évidemment voir ça. On vous retrouve Marie-Pauline et Antoine Bieber, normalement ici présent avec nos trois jurés en train de se battre pour savoir quel sera le film. Marie-Pauline est une redoutable jurée, donc je pense qu'elle sera très bien faire les choses. Francis et Florentine, on vous retrouve, j'espère, au Piaf. Oui. Pour présenter, elle ira. Pour présenter le film, on est obligé de prendre le film pour que Francis vienne et qu'on le voit. Alors c'est pas vrai, il y a des années, je viens au Piaf notamment pour m'occuper des jurés jeunes publics. C'est vrai, on va t'en reparler justement par rapport à ça. Et surtout un grand merci à Nicolas pour cette demi-heure en plus qui nous permet voilà d'avoir été un peu plus long, un peu plus précis sur plein de choses. On vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Enfin, un voilà. Bon solstice d'hiver. Bon solstice d'hiver. Merci beaucoup et on se retrouve très vite. Merci beaucoup Nicolas. Merci à tout le monde. Bye bye. See you, baby. it stole and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why me?